pas de penchement vers c'est la quatrième ou vers c'est la troisième, je n'ai pas de penchement, je suis au milieu, qu'est-ce que je fais? Tu fais le moindre. Par exemple, si tu doutes entre 3 et 4, tu la fais 3. Tu dis non, je vais la laisser 3. Si tu doutes entre 3 et 2, tu dis je la laisse, c'est comme si c'était 2. Pourquoi? Parce que je viens de dire que je suis au milieu, je n'ai pas de tarjih. Je suis à 50%. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais comme si c'était 3. Alors, je dis je suis à la troisième. Donc, j'ajoute la quatrième. Et avant de dire salam alaykoum, à l'intérieur, je fais deux sujdettes. Je fais deux sujdettes. Je fais une soujoud. Après, je suis Allah Akbar. Ensuite, un soujoud. Allah Akbar. Ensuite, je dis salam alaykoum wa rahmatullah. Ça, c'est le premier cas. Et je répète. Et je répète avant de passer au deuxième cas. Quand on est dans une salat, on ne sait pas si on, par exemple, si on est à la quatrième ou la troisième. Ou bien, je ne sais pas, yani, c'est 50% la troisième, 50% la quatrième. Je ne me suis pas dit, non, peut-être, yani, je crois que c'est 70%, c'est par exemple la quatrième. Là, non, je ne sais pas où je suis. Je dis 50% la troisième, 50% la quatrième. Check, qu'est-ce que je fais ici? Nibni al-aqal. Je marche sur le moins. Si c'est entre 4 et 3, je prends le 3. Si c'est entre 3 et 2, je la fais 2. Je dis non, là. Donc si je doute entre 4 et 3, je vais la laisser 3. La troisième. Donc je fais la troisième. Donc j'ajoute la quatrième. Je fais le tashahhud. Et avant de dire salam alaikum, je fais deux sujdettes, deux prosternations à l'intérieur. Je me prosterne, ensuite je m'assois, ensuite je me prosterne, trois fois. Ensuite, je m'assois et je dis quoi? Je dis salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et quand je doute 50%. Maintenant, le deuxième cas, je me dis, est-ce que c'est la troisième, est-ce que c'est la quatrième, je ne sais pas. Mais 60%, 70%, c'est peut-être la quatrième. Ou bien, 60%, 70%, c'est la troisième. C'est-à-dire, ce n'est plus le doute. C'est un peu plus que le, yani, mieux que le doute. Ça s'appelle, yani, tarjih. J'ai quelque chose dans mon cœur qui me dit, c'est à 70%, telle ou telle chose. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu marches, tu te bases sur ton cœur, où il s'est penché. Si c'est penché à 70%, c'est la quatrième, tu fais de sorte que c'est la quatrième. Si tu as dit 70%, c'est la troisième, tu te fais de sorte que c'est la troisième, et qu'est-ce que tu fais? Tu ajoutes donc la quatrième, si tu as penché vers la troisième, tu ajoutes la quatrième, et maintenant, tu t'assois, tu fais le tashahhud, et tu dis salam alaikum, salam wa rahmatullah deux fois, et là, tu fais deux prosternations après. Et après avoir dit salam alaikum, tu fais deux prosternations et tu dis encore une fois salam alaikum. Peut-être que c'est un peu difficile, mais inshallah ta'ala, à chaque fois on va parler de ça jusqu'à inshallah ta'ala, parce que ça soit compris. Si vous voulez que je répète une troisième fois, je vais répéter, mais si inshallah ta'ala vous avez compris, sinon inshallah avec les questions que vous poserez, je vais réexpliquer inshallah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, Ida sara ahlul jannati ila al jannah. Brahim, est-ce qu'il y a du son? Barakallahu fik. Brahim, dis-moi pour être sûr que vous m'entendez. Je ne suis pas en train de parler seul. Jazakallahu khairan. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, Ida sara ahlul jannati ila al jannati. Si les gens du paradis vont rentrer au paradis, Allah azza wa jal. Lorsque les gens du paradis vont rentrer au paradis, et les gens de l'enfer vont rentrer en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala an yu'afiyana minhum. Ji'a bil maut hatta yuj'ala bayna al-jannati wa an-nar. Allah azza wa jal va faire venir, peut-être avec peut-être c'est pas lui, il va ordonner aux anges de faire venir la mort elle-même, la mort. Nous, yani, on voit la mort, on la voit pas, on sait pas ce que c'est. Yani, c'est des anges qui vont nous tirer notre âme, mais ça s'appelle la mort. Là, la mort, elle dit, il va la mettre, il va faire de sorte qu'elle vienne sous forme de mouton. La mort, là, il va la mettre sous forme de mouton, et il va faire venir ce mouton entre le paradis et l'enfer, entre le paradis et l'enfer. Ensuite, il ordonna pour qu'il soit égorgé. Yudbah al-maut. Donc, qu'est-ce qu'il va faire là lorsque les gens du paradis rentrent au paradis et les autres en enfer? Il va faire venir la mort pour la tuer. Ça veut dire, si la mort elle-même est morte, khalas, tu vas rentrer au paradis, tu vas être sûr qu'il ne va pas y avoir de mort. Parce que peut-être les gens en Louis West, tellement c'est beau le paradis, il va avoir peur, peut-être demain je vais mourir, peut-être. Tu ne peux pas mourir parce que la mort a été morte. La mort elle-même est morte, il n'y a plus de mort. Khalas, il n'y a plus de mort. Thumma yunadi munadi. Ensuite, après que Allah Azza wa Jal, ils vont égorger de la mort, le mouton, Allah Azza wa Jal, ils vont écouter, ils vont écouter quelqu'un qui va crier ou qui va appeler. Qu'est-ce qu'il va dire? Ya ahl al-jannati khuludun la maut. Ô gens du paradis, éternité, khulud, la maut, il n'y aura plus de mort. Ya ahl al-nar khulud la maut. Ô vous qui êtes en enfer, khulud, il n'y a plus de maut. Là, c'est la mort est morte. فيزدادوا أهل الجنة فرحا إلى فرحهم. Les gens alors qu'ils sont au paradis, يعني ajouteront, leur sera ajouté, يعني فرح, un plaisir sur le plaisir. Parce que j'ai dit, même quand on est au paradis, peut-être qu'on a peur. Alors, alhamdoulilah, maintenant, خلاص, la mort, elle est dans tu as peur, خلاص, il n'y aura plus de mort. Donc tu vas être content, يعني encore plus. وَيِزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ. Et ceux qui étaient en enfer, quand ils ont entendu quelqu'un appeler, peut-être ils ont dit, peut-être Allah Azza wa Jalla va nous pardonner, peut-être va y avoir quelque chose, peut-être, et voilà que ils ont entendu que la mort, خلاص, il n'y aura plus de mort, comme a dit Allah Azza wa Jalla, en parlant des kuffars, لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. خلاص, il ne peut pas mourir, لَا يَمُوتُ. En enfer, il ne va pas mourir parce que la mort est morte. La yamut fiha wa la yahya. Il ne peut pas vivre une vie comme nous, on mange, on boit, etc. Mais il vit pour être supplié, pour être châtié. Wal'iyadu billah. Thumma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hadith sahih, qala idha salla ahadukum ila sutratin falyadnu minha. La yamurru ash-shaytanu baynahu wa baynaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un, quand vous faites la prière, approchez-vous de la sutra. La sutra, on n'a pas le droit de rentrer comme ça en plein mosquée, en plein milieu, on va faire la prière. La sutra, tu dois la chercher. Chercher quelque chose, tu la mets devant toi pour faire la qibla. Chercher, ça ne veut pas dire spécialement tu mets quelque chose de toi. Par exemple, tu t'approches du mur, tu t'approches d'un pilier de la mosquée, tu t'approches d'une armoire, d'une chaise. Tu la laisses entre toi et la qibla. Tu la mets comme qibla devant toi. Pourquoi? قال لا يمر الشيطان بينه وبينها. Afin que Shaitan hada, il puisse pas te couper la salade. Quand il y a la sutra, Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, empêche le Shaitan de te faire des mashakil et de te couper la salade. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire le Shaitan quand il n'y a pas la sutra? Il va te ramener des gens. Il va te ramener la femme, ou bien le chien noir, ou bien l'âne. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va les pousser, etc., leur parler dans les oreilles, il va les faire venir. Ensuite, si cela passe, ils vont te couper la salade, et ta salade est battée là, tu n'as plus de salade. Donc toi, quand tu fais ça, alhamdoulilah, tu vois que la sutra entre toi, entre le shaitan hada. La sutra hada, comme j'ai dit, je donne quelques ahkam, quelques yani, ahkam qui ont rapport avec la sutra. Premièrement, on doit s'approcher d'elle. On doit s'approcher. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, كان بينه وبين الجدار ثلاثة أدرع. Le prophète صلى الله عليه وسلم, voilà quelques règles. Quand il voulait prendre une sutra, il restait, lorsqu'il se mettait debout, ça restait entre lui et la sutra ثلاثة أدرع. Hadith dans le Bukhari. ثلاثة أدرع, c'est-à-dire 1.5 meters. Toi, quand tu prends une sutra, tu mets par exemple une chaise devant toi, tu as quelque chose, tu laisses, ensuite tu te mets debout pour dire Allahu Akbar. Tu laisses entre toi et la sutra hadi, la chaise, tu laisses 1.5 meters. Ça veut dire à peu près 3 pas. 1.5 meters. Et quand tu fais le sujoud, tu poses ta tête en bas, 3 coudées. Ça veut dire 3 coudées. Et quand tu mets ta tu te prosternes, tu poses ta tête par terre, tu laisses entre toi, entre ta tête, pardon, ta tête et la sutra, la chaise par exemple, tu laisses deux, yani à peu près shibran, deux agda quand on ouvre les doigts, shibran. Le hadith a dit ma marchette. Si par exemple, si un mouton veut passer, il peut passer. Tu laisses entre ta tête et le mur de façon à ce que un mouton puisse passer. Les ulama ont dit shibran. Comment on dit shibran en français? Vous connaissez le chibre? Comment on dit le chibre? Tu laisses comme ça quand on fait avec le pouce et le milieu de le doigt du milieu, on ouvre le pouce et le milieu du doigt, le doigt du milieu, ça donne chibre. Tu laisses à peu près deux comme ça, deux entre ta tête et là. Autre chose, une autre règle en ce qui concerne la sutra. La sutra, elle doit avoir au moins de hauteur au moins un demi-mètre. Certains, ils prennent la sutra, ils prennent n'importe qui. Il enlève la chéchia qu'il a sur la tête, il dit voilà, ça c'est la sutra. Ça c'est pas la sutra. La sutra, ça doit être au moins un demi-mètre. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses hadiths sahiha, il disait qu'il fallait, إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِي. Ça veut dire que tu dois mettre quelque chose qui soit au moins comme مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ. Vous savez ce que c'est? Le cheval. Avant, quand on veut monter un cheval, on met quelque chose, ça s'appelle serge. J'ai oublié comment ça s'appelle en français. Sur laquelle on s'assoit. Comment ça s'appuie? Voilà, je parlais de la selle. La selle du cheval, ça s'appelle sirj en arabe. Non, la selle en arabe, ça s'appelle sirj. Quand cheval. Quand c'est celle du chameau, ça s'appelle rahl. Celle du cheval s'appelle sirj en arabe. Celle du chameau s'appelle rahl. Le rahl, la selle du chameau, autrefois, en arrière, yani sa partie arrière, avait comme un bâton comme ça qui sortait, qui faisait presque un demi-mètre, faisait une coudée. Pourquoi? Pour ne pas par exemple se renverser par l'arrière, ou bien quand on est en bas, on veut monter, on doit tenir sur ce bâton, sinon il n'y a pas où on peut tenir. On tient sur ce bâton, on tire et on monte. Et le bâton là qui fait à peu près, il y a une amende 47 centimètres à peu près, 47 cm. Donc la vraie sutra, elle doit faire au moins 47 cm. Le Cheikh Al-Albani a dit au moins shibran. Au moins, comme j'ai dit shibran, il y a peut-être 20 cm au moins shibran, au moins. Mais on ne fait pas n'importe quoi, on dit ça c'est une sutra. Si on trouve le demi-mètre, c'est mieux. Si on trouve le demi-mètre, c'est mieux. Ensuite, il y a une autre règle en ce qui concerne la sutra. La sutra, c'est pas obligé qu'elle soit large. L'essentiel, c'est qu'elle soit haute. Chibre, une coudée. Jazakallahu khair. Chibre, c'est une coudée. Moi, je croyais dira ou chibre. Chibran. Chibran, c'est une coudée. Deux chibres, c'est une coudée. Donc, en ce qui concerne la largeur, c'est pas important. L'important, c'est la hauteur. Un demi-mètre. Maintenant, même si c'est quelque chose de fin, qui n'est pas yani, large, quelque chose de mince, ça n'a pas d'importance. Ça peut être une sutra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, qu'est-ce qu'il faisait? Un empan, c'est ça, shibra, je crois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait des fois? En plein Sahara, qu'est-ce qu'il faisait? Il enfonçait dans le sable sa lance. Un empan, ouais, shibra, barakallahu fik. Il enfonçait quoi? Il enfonçait sa lance dans le sable. On enfonce sa lance. Et vous voyez la lance, le herba, elle n'est pas large. Ah, tamallah, ma fi mushkil, inshallah, ma fi. Tamallah. Mais quand tu te corriges, barakallahu fik, afin que les autres yani, ne soient pas induits en erreur. Quand tu dis voilà, je me suis trompé en cela, eux-mêmes, inshallah ta'ala, ils se corrigent. Barakallahu fik. Le prophète, alayhi salatu wasalam, quand il était en plein désert, il plantait sa lance. Et vous voyez que la lance n'est pas large, c'est quelque chose de mince. Donc l'ibra, c'est quoi? C'est la hauteur et ce n'est pas la largeur. Et des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le chameau. Il mettait le chameau comme ça devant lui et il disait Allahu Akbar, il faisait la prière vers le chameau. Quoique, vous connaissez tous qu'il est interdit de faire la prière dans un endroit où le chameau dort. Comme moi j'ai appelé une fois l'écurie, je sais, ça s'appelle pas l'écurie, l'écurie c'est pour les chevaux. Chaque animal, son endroit a un nom. Mais l'endroit où dorment les chameaux, on n'a pas droit de faire la prière à l'intérieur. On a droit de faire la prière à l'intérieur où dorment les moutons et les vaches. Donc n'empêche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait des fois un chameau comme ça et il faisait la prière vers lui. Il le prenait comme sutra. Et Abdullah ibn Omar, des fois quand il rentrait à la mosquée, il ne trouvait pas de sutra en plein mosquée. Il n'y a pas de sutra, il n'y a pas de pilier. Maintenant les mosquées sont pleines de piliers. Qu'est-ce qu'il va faire? Il disait à son valet, Nafa, il lui disait, assieds-toi, donne-moi ton dos. Assieds-toi, je vais faire la prière vers ton dos. Je vais prendre ton dos comme sutra. Maintenant, quand quelqu'un termine la prière, on est avec l'imam, on a terminé la prière. Ensuite, il n'y a plus de... Par exemple, l'imam dit, salam alaykoum, moi il me reste 2 rak'a à faire. Comment je fais? S'il y a une sutra proche de moi, de façon à ce que je peux marcher seulement un pas vers l'avant, un pas vers l'arrière, un pas à droite, un pas à gauche, je vais vers la sutra. S'il n'y a pas, je continue. Voilà, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ensuite, autre chose. Supposons que moi je sois assis à la mosquée, il y a quelqu'un, l'oncle des chameaux, naam, c'est l'oncle, c'est vrai. Supposons que je sois assis et qu'il y a quelqu'un qui vient derrière moi, par exemple, il m'a pas demandé la permission. Ça arrive. Il vient quelqu'un derrière moi et il me prend comme sutra et fait la prière. J'ai entendu dire que tu n'es pas obligé de rester. Si tu veux rester pour qu'il termine sa prière, tu peux et tu as un ajr. Mais si tu veux pas, tu n'es pas obligé. Premièrement, il ne t'a pas demandé la permission. Et deuxièmement, peut-être moi j'ai affaire, peut-être j'ai quelqu'un qui m'attend dans la porte, peut-être si je veux, je reste, si je veux, ce n'est pas obligé qu'il me prenne comme sutra, parce que il ne m'a pas demandé la permission pour que je lui dise tu peux. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال في حديث صحيح شوف قال إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها شيئا حتى يتكلم ويخرج. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette sunna, c'est que quand on fait la prière de la Jumu'ah à la mosquée, on n'a pas le droit de faire une autre prière après la Jumu'ah, sauf si on a fait une des choses. Lesquelles? Ou bien tu sors dehors de la mosquée et tu rentres encore une fois. Ou bien tu parles avec quelqu'un. Salam alaykoum, comment vas-tu là? Quelle heure est-il ou là? Si tu n'as pas parlé, ou là tu n'es pas sorti et rentré, tu ne peux pas faire une autre nafila après la salat du Jumu'ah. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ulama ont dit, comme Abdullah ibn Abbas, il a dit quand tu dis subhanallah, alhamdulillah, etc., ça te suffit, tu as parlé. Il a dit quand tu dis subhanallah, alhamdulillah, pardon, c'est pas Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, a dit le contraire. Certains ulama ont dit quand tu dis subhanallah, tu fais l'adhkar. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, ensuite Allahu Akbar, tu termines 33 fois. Ils ont dit tu peux faire la prière car c'est comme si tu avais parlé. Mais Abdullah ibn Abbas ne prend pas de cet avis, radiyallahu ta'ala anhu. C'est pour ça qu'il disait, moi quand je terminais la Jumu'ah, j'appelais mon valet, je lui disais viens, et quand il venait je lui disais non, c'est juste pour faire la prière, yani, je t'ai appelé juste pour parler. Donc il ne prenait pas de l'avis d'Adkar. Il disait on doit parler avec quelqu'un pour pouvoir faire la nafila après salat al-jumu'ah. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن تزين له. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit quand quelqu'un de vous fait la prière qu'il mette ses deux habits. Il veut dire par là qu'il mette, yani, ses beaux habits. Ensuite il a dit fa inna Allah ahq man tuzayyin lahu fa inna Allah ahq man tuzayyin lahu. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui auquel, yani, on doit se montrer le plus beau, parce que nous quand on a une fête ou là on a un mariage ou là, on met nos plus beaux vêtements. Et quand on va faire la prière à la maison ou là à la mosquée, on met nos plus sales habits. Le mécanicien, il vient avec la graisse et il va rentrer. Le peintre, il vient ses habits pleins de peinture. L'autre, il vient avec plein de fumée. L'autre, il vient, pourquoi? Tu as oublié que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Tu ne peux pas mettre un habit spécialement pour la salat dans le travail. Dès que tu termines le travail, tu le mets en haut, au-dessus, même au-dessus de tes vêtements mécaniques. Ouais. Tu le mets au-dessus, ma'alish. Tu ne vas pas enlever à la mécanique le blouson, la blouse. Non, mets le kamis en dessus et tu fais la prière. La femme à la maison, elle a des habits agda, yani de maison qui, si les invités vont venir, elle va mettre les plus beaux habits. Mais pour faire la prière, c'est pas important. Elle fait avec des habits peut-être sales, peut-être, je sais pas. Tu as oublié que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu dis Allah Akbar, que Allah Azza wa Jalla va mettre ton visage devant ton visage, comment on n'a pas honte de lui? On fait avec des vêtements, yani, qu'on peut pas avec ses vêtements. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, subhanallah, il y a même un verset. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Retournez à Tafsir Moukathir. Allez voir Tafsir Moukathir, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset. Allah Azza wa Jalla dit, prenez zinatakum, prenez votre beauté. Embellissez-vous avant de faire chaque prière. Naam, avant de faire chaque prière. C'est pour ça que j'ai lu une fois. Ça m'a yani, touché. Que, voilà, prenez votre parure. Prends ta parure avant de faire la prière. Quand tu veux faire la prière, essaye d'être au maximum yani, le plus beau, au maximum le plus parfumé, etc. Surtout que pour ceux qui vont à la mosquée. Surtout pour ceux qui vont à la mosquée. Et surtout pour ceux qui vont à la prière du Jumu'ah. La prière de la Jumu'ah, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, c'est un Eid. Eid. إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا يقال للجمعة عيد toi le jour de l'Aïd tu mettais des vêtements sales ou là les plus beaux? Pourquoi le Jumu'a qui est un Eid que Allah Azza wa Jal aime, pourquoi on ne met pas le blanc, on ne met pas le parfum, on va comme ça sale? J'ai dit au point que yani, les gens qui ont connu Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'ont aimé, moi j'ai lu une fois que il y avait je ne sais pas qu'une femme, quand elle voulait faire de l'aumône, elle prenait l'argent, quand elle voulait faire de l'aumône, elle prenait de l'argent qu'elle voulait donner aux gens. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle parfumait cet argent avant de le donner. On lui a dit, tu parfumes l'argent, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Elle a dit, parce que je sais que la pièce, elle est avant de tomber dans la main du mendiant, elle tombe dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'argent a dit, d'abord il va aller chez Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite pour qu'il parte chez le faqir. C'est pour ça que je lui mets du parfum. Subhanallah, yani, comment eux ils pensaient, comment nous on pense. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Si la femme, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, si la femme صلت خمسة, elle fait les cinq prières. Si la femme fait les cinq prières. أبو طالب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ Je disais, si la prière yani, à l'heure, bien sûr. Wallah, alhamdoulilah, frère, barakallahu fik. Si la femme fait les cinq prières à l'heure, ida sallat, numara khamsa, wa samat shahraha. Ensuite, elle fait yani, le jeûne de son mois. Elle fait le carême un mois. Wa hassanat farjaha. Ensuite, elle ne fait pas la zina. Wa ata'at zawjaha. Et elle obéit à son mari. Quand je dis elle obéit à son mari, je vais revenir à ça. On lui dira le jour du jugement dernier, rentre au paradis de la porte que tu veux. Yani tellement elle a yani, une place haute un degré haut chez Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est pas lui qui va lui dire tu rentres par cette porte. Tu as 8 portes et tu choisis. Moi, quand je veux par exemple faire un cadeau, je dis par exemple, je t'ai fait ce cadeau, un cadeau par exemple, cette voiture. Celle-là, je la montre. Mais maintenant, si tu dis par exemple, il y a 8 voitures, tu choisis. Ça veut dire que Yannick, tu es mieux que l'autre auquel j'ai dit tu prends cette voiture. Là, je va dire, il y a 8 portes, tu choisis. Tu rentres par celle-là ou pas? Bien sûr, les 8 ne donnent pas la même chose. Hein, ne donnent pas la même chose. Donc, tu choisis, subhanallah l'adhim. Quand j'ai dit, wa ta'at zoujaha, elle obéit à son mari, les ulama ont dit, elle obéit à son mari s'il lui ordonne des choses qui ne sont pas haram. C'est pas comme maintenant, le mari veut faire des choses de haram. Il veut faire des choses que Allah Azzawajal a interdit. Allah Azzawajal a interdit beaucoup de choses, surtout quand qui sont drapeaux, etc. Et lui, il veut faire le haram, il veut faire avec sa femme par derrière, il veut des choses comme ça. Celle-là, elle doit ne pas obéir. Si elle lui obéit, elle a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle désobéit à son mari, elle a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle demande le divorce est permis, et Allah azza wa jalla aime un divorce, comme celui-là, où l'homme veut faire le haram avec sa femme. Le haram, et la femme, elle ne doit jamais, comme je dis, jamais accepté, parce que Allah Azza wa Jalla lui a laissé la porte ouverte de la séparation. Quand c'est quelque chose qui est grave comme celle-là. Tout maqal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi hadithin akhar, je crois qu'il reste 10 minutes, inshallah ta'ala, qal. Ida, atasa ahadukum. Si quelqu'un éternue, fa hamid Allah. Il a dit alhamdulillah. Fashimmitouh, yani dites-lui, yarhamukullah. Si quelqu'un l'entend dire, alhamdulillah, qu'est-ce qu'on lui dit? Yarhamukallah. Wa idha lam yahmadillaha, fala tushammitouh. Mais s'il dit pas, alhamdulillah, je lui dis pas, yarhamukallah. C'est pour ça que Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, dans un hadith sahih, il est dans Fath al-Bari, ibn Hajar a dit hadith sahih, ou Hassan, j'ai oublié. Il a dit quand il entendait quelqu'un éternuer de loin, ensuite tu ne sais pas s'il a dit Alhamdulillah ou s'il n'a pas dit. Maintenant, s'il n'a pas dit, tu ne peux pas lui dire. Et s'il a dit, tu es obligé de lui dire Alhamdulillah. Mais il est loin, qu'est-ce que tu fais? Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui disait Yarhamukallah si tu as dit Alhamdulillah. Voilà, pour sortir des problèmes. Yani, je n'ai pas entendu si tu as dit Alhamdulillah. Alors, Yarhamukallah si tu as dit Alhamdulillah. Et bien sûr, quand quelqu'un éternue, et maintenant on lui dit à tes souhaits ou là à tes amours ou là je ne sais pas quoi, tout ça c'est de la bida, et peut-être même c'est haram. Pourquoi? Parce que tu vas lui faire croire que quand il a éternué, que maintenant il va faire un vœu ou la machade, ça va s'exaucer, ses souhaits vont s'exaucer, il va aimer je ne sais pas qui, ça, tout ça c'est, si ce n'est pas haram, ça rentre, si ce n'est pas bida, ça rentre dans le haram et vice versa. Et je ne sais pas pourquoi, je laisserai la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je laisserai l'ajr pour dire quelque chose que disent les kuffars. Je suis les kuffars, je laisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah azza wa jalla m'a ordonné de suivre. Ensuite, il y a quelque chose, quand quelqu'un éternue et il dit alhamdulillah, il y a un autre hadith, je ne l'ai pas ici devant moi, mais il est vrai, il est sahih. Quiconque, le prophète alayhi wa sallam a dit, quiconque l'entendra doit lui dire alhamdulillah. Ce n'est pas comme salamu alaikum. Salamu alaikum, quand quelqu'un dit salamu alaikum, là on est 10 ou 15, un seul de nous répond. Un seul lui dit wa alaikum salam, ça suffit. Pourquoi? Parce que c'est un fard kifaya. Mais quand quelqu'un éternue, tout le monde qui l'a entendu doit lui dire alhamdulillah. Si nous sommes 10, et quelqu'un éternue, et nous, les 10 on l'a entendu, et un de nous lui a dit alhamdulillah. On ne doit pas se dire là, ça suffit. Mohamed lui a dit alhamdulillah, ça suffit. Non. Après, moi, je dois lui dire alhamdulillah. Le deuxième, alhamdulillah. Le troisième, le quatrième, le cinquième. Les 10 doivent lui dire alhamdulillah. Sinon, il a fait un péché. Obligation, non, fard kifaya, obligation collective. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ida atasa ahadukum, falyushammithu jalisuh. Si quelqu'un éternue, celui qui est assis, qu'il lui dise yarhamukallah. فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث. S'il ajoute زاد على ثلاث, yani la première, il éternue, il dit Alhamdulillah, on lui dit Alhamdulillah. La deuxième, la troisième. S'il dépasse la troisième, le prophète alayhi salam m'a dit il est malade. Après trois, il est malade. Là où elle est, Yushemmet. C'est pas la peine de lui dire Alhamdulillah. Après quoi? Après la troisième. Après la troisième, quand il éternue, même s'il dit Alhamdulillah, tu te tais. Déjà lui, il ne doit pas dire Alhamdulillah, mais s'il le dit, toi tu te tais, parce que on ne doit pas, et ce n'est pas obligé de lui dire après la troisième. Ensuite, le prophète Ali a dit إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى وَجْهِهِ وَلْيَخْفَضْ صَوْتَهُ. Si quelqu'un de vous éternue, le prophète Ali a dit qu'il mette sa main devant son visage. On n'éternue pas comme ça sans mettre la main devant nos visages, devant nos bouches, sinon il y a de la salive, il y a beaucoup de choses qui vont sortir de notre bouche et même de notre nez et qui vont, la personne qui est devant nous, on va la mouiller, ou là, je sais pas comment. Donc, on doit mettre quoi? On doit mettre notre main devant notre bouche pour ne pas léser les autres. Et ensuite, le hadith a dit وَلْيَخْفِدْ صَوْتَهُ. Et en même temps, il essaye de diminuer de l'éternuement. C'est pas la peine de crier. Quand on éternue, on fait comme ça, on fait un son très fort jusqu'à faire peur aux gens. Les gens qui sont dans l'autre chambre, ils vont sortir, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit non, il a seulement éternué, c'est pas une bombe, c'est quelqu'un qui a éternué. Ça ne se fait pas en islam. L'islam te dit au maximum tu dois éviter le son au maximum. Mais tu éternues naturellement. Être discret si tu peux. Naam, tu peux être discret. Sinon, tu éternues naturellement, mais au moins ne pas essayer d'ajouter quelque chose et d'exagérer. Ensuite, le prophète a dit إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Si quelqu'un de vous éternue, qu'est-ce qu'il dit? Il dit الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيُقَلْ لَهُ. Et on lui dit يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ هُوَ. Et il dit lui يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ. Donc quand on éternue, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lorsqu'il nous dit Alhamukallah, moi je lui réponds comme dans le hadith ici, Yaghfirullahu lana wa lakum. Ensuite, le prophète alayhi sallam a dit un autre hadith, إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ. Si quelqu'un de vous éternue, فَلْيَقُلْ. Qu'il dise Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. وَلْيُقَلْ لَهُ. Celui qui est devant lui dise Yarhamukallah. Il répond Yahdikum Allah wa yuslihu balakum. Ensuite, un troisième hadith, le prophète alayhi sallam a dit إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ. Si quelqu'un éternue, qu'il dise Alhamdulillah. فَإِذَا قَالْ فَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَإِذَا قَالْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. Donc je résume une seconde, je demande à mon fils de m'emmener de l'eau, j'ai envie de boire, barakallahu fikoum. Je disais que vous remarquez ici, il y a trois hadiths. Le troisième hadith dit quand tu éternues, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Alhamdulillah. L'autre hadith, il a dit quand tu éternues, tu dis Alhamdulillah ala kulli hal. Le troisième hadith a dit quand tu éternues, tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc voilà la sunna, tu choisis entre les trois. Ou bien tu dis Alhamdulillah, ou bien tu dis Allahi Rabbil Alamin, ou bien tu dis Alhamdulillah ala kulli hal. Et les trois hadiths Alhamdulillah sont sahih, les trois sont authentiques. Celui qui veut, il revient à Sahih al-Jama', parce que ces choses-là, comme je disais, on n'y tire pas de nos têtes, c'est des choses, des ad'iyah, des invocations, on ne peut pas les dire de la tête. C'est pour ça que Abdullah ibn Omar a entendu quelqu'un éternuer, et lorsqu'il a éternué, qu'est-ce qu'il a dit cette personne qui ne savait pas? Il a dit Allahumma salli wa sallam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Abdullah ibn Omar lui a dit quelque chose qui a fait rire les autres, je l'ai oublié. Il lui a dit, je ne sais pas, à peu près, il lui a dit, non, quand on éternue, on salue sa mère, ou là, je ne sais pas quoi. Il lui a dit quelque chose qui a fait rire les autres. Ensuite, il lui a appris la sunna. Il lui a dit, quand on éternue, on ne dit pas ceci et cela, mais on dit quoi? On dit, Alhamdulillah. Donc, la sunna, tu dis, ou bien, Alhamdulillah, ou bien Alhamdulillah ala kulli hal, ou bien Alhamdulillah rabbi alamin. Quand tu réponds, tu choisis entre deux. Il y a deux sortes de réponses. Tu dis yaghfirullahu lana wa lakum, yaghfirullahu lana wa lakum, ou bien tu dis yahdikumullahu wa yuslihu balakum, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Certains ont dit que yaghfirullahu lana wa lakum, tu l'as dit seulement si on est entre musulmans, et l'autre yahdikumullahu wa yuslihu balakum, tu l'as dit s'il y a par exemple des kuffars avec nous ou bien je ne sais pas quoi. Et tout ça bien sûr ce n'est pas vrai. Tu dis les deux, tu choisis n'importe laquelle. Tu dis ou bien yaghfirullahu lana wa lakum, ou bien tu dis yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Tu choisis des fois celle-là, des fois celle-là. Ensuite j'ai cherché, j'ai trouvé que il y a une quatrième formule, il y a une quatrième formule quand on éternue, c'est celle le hadith où il y a Rifa'a ibn Rafi' radiyallahu ta'ala anhu a éternué une fois en plein salat. En plein salat il a éternué. Qu'est-ce qu'il a dit en plein salat? Il a dit alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alayhi كما يحبه ربنا ويرضى سبحان الله العظيم. Il a dit ça en plein salat. Il a éternué, il a dit ça en plein salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a terminé la salat, il a dit qui a dit cela? Personne n'a voulu répondre. La deuxième fois, qui a dit cela? Personne n'a répondu. La troisième fois, qui a dit cela? Ensuite Tarifa'a, il a dit c'est moi ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai vu yani 30 et quelques 37, 38, 39 anges qui se disputaient lequel d'eux va monter avec cette formule yani au ciel chez Allah subhanahu wa ta'ala, yani tellement elle est bien cette formule. Donc même quand on éternue on peut dire la quatrième, c'est quoi? C'est Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bien sûr c'est un peu difficile. Donc je résume en des quatre choses, une des quatre choses, ou bien Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah ala kulli hal, ou bien le quatrième que je viens de dire. Et on ne répond que d'une des deux façons, Yaghfirullahu lana wa lakum, ou Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. J'ajoute un hadith et j'arrête inshallah ta'ala, parce que il est déjà 1h du matin. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن c'est un hadith qui est bon. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith, il a dit إذا قبر الميت, ça veut dire le mort quand on le met dans sa tombe. إذا قبر الميت أتاه ملكان, il y a deux anges qui vont venir. Aswadan azraqan, deux anges yani de couleur noire et bleu. Bien sûr ça doit faire peur quand on voit quelqu'un, mais vous remarquez seulement quand quelqu'un, quand il est frappé il est bleu, yani déjà il a une allure yani un peu bizarre. Donc il y a ces deux anges qui vont venir à chaque personne qui est morte. Il a dit deux anges أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر لندي دو زونج سابل المنكر لطخ وللآخر النكير سابل لدوزيام النكير فيقولان يلفون دير ما كنت تقول في هذا الرجل كو ديزيتو سور سيتوم صادير سور البروفيت صلى الله عليه وسلم البروفيت دو سنتوم بيان سور. Si c'est de notre temps, les deux anges parlent de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est du temps de Youssef, ils vont parler de Youssef alayhi salam. Bon, ils vont dire que disais-tu de cet homme? Fayaqul ma kana yaqulu huwa. Il va dire ce qu'il disait. Il va dire Abdullahi wa Rasuluh. C'était Abdullahi wa Rasuluh. Bien sûr, les autres ils vont dire c'est le fils d'Allah. C'est, ça dépend. Nous, inshallah ta'ala, on demande à Allah Azzawajal qu'il raffermisse nos cœurs pour qu'on dise Abdullah wa Rasuluhu. Ensuite il a dit, et il dira ensuite Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste que Allah Azzawajal, il n'y a que Allah Azzawajal qui mérite l'adoration, j'atteste que son prophète Muhammad que Muhammad c'était son serviteur et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fayaqulan, les deux anges vont dire, qad kunna na'lam annaka taqul. On savait que tu disais cela. On savait que tu disais cela. Thumma yufsahu lahu fi qabrih. Thumma yufsahu lahu fi qabrih. Ibrahim, si tu es là, si tu es là, Ibrahim ou l'Abu Talib, Abu Talib ou l'Ibrahim. Ils sont pas là, les deux. Bon, c'était juste pour dire à Abu Muhaz, qu'est-ce que tu veux, Abu Muhaz, t'enlèves le point rouge. Quand je vois quelqu'un lever la main en plein dos, je dis peut-être que c'est quelque chose d'urgent. Fadla, je t'enlève le point rouge. Abu Muhaz, تفضل اشتيون في لو بوان روج كيف كي بارك الله فيك bon peut-être qu'il a oublié ça non hakda ولا ensuite il disait ils vont dire on savait que tu disais cela ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا ثم نعم إبراهيم جولي تدير يا أبو محاز كي لاف لاما essaye de lui parler qu'est-ce qu'il veut je ne sais pas si c'est quelque chose d'urgent c'est pas quelque chose d'urgent on est en plein dars dis-lui qu'est-ce qu'il y a ensuite les deux anges ont dit ensuite on va lui agrandir sa tombe on va lui agrandir sa tombe سبعون ذراعا في سبعين 70 سبعون ذراعا في سبعين يعني ذراع un ذراع c'est un demi mètre Les ulama disent un dira' c'est un demi-mètre. Donc 50 cm sur 50. 50 sur 50. Ça donne à peu près 55-25. Ça donne 2500 mètres carrés. On va yani, là, lui agrandir sa tombe jusqu'à ce que yani, sa surface soit à peu près de 2500 mètres carrés. Remarquez, quand quelqu'un veut par exemple construire une maison, 120 mètres carrés, 150 va lui suffire. 150, il va mettre 4 pièces, salon, etc. Seulement 150 ou 200 mètres. Ça veut dire 2500 mètres carrés, si ce n'est pas plus. Ensuite, la Azzawajal va lui mettre une lumière à l'intérieur. Bien sûr, une lumière spéciale. Noir spécial. Min indillahi subhanahu wa ta'ala. Thumma yuqalu lahu. Ensuite, on va lui dire nam. D'or. Dors, yani reste tranquille et dors. Fayaqul, arji'u ila ahli fa ukhbirhum. Laissez-moi aller chez ma famille pour leur apprendre yani, que alhamdoulillah j'ai réussi et que alhamdoulillah yani, j'ai triomphé, etc. Fayaqulan, on va lui dire nam ka nawmati al-arous alladhi yuqiduhu illa ahabbu ahlihi ilayh. Dors, comme fait le marié, le nouveau marié, yani, qui dort et qui ne veut que personne le réveille, que yani, les meilleurs de sa famille le réveillent. Les meilleurs de sa famille le réveillent. Donc, حتى يبعثه الله من مضجعي ذلك. Ensuite, il va rester comme ça jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal fasse la fin du monde et bien sûr, il va le faire sortir de sa tombe. وإن كان منافقا mais si c'est un hypocrite et bien sûr un kafir aussi lorsqu'on lui posera la question que disais-tu sur cet homme il dira سمعت الناس يقولان قولا j'ai entendu les gens dire فقلت مثله j'ai entendu les gens dire des choses j'ai dit comme eux c'est-à-dire je n'avais pas la certitude j'ai entendu dire les gens j'ai dit comme ça ensuite il dit لا أدري Allah je ne sais pas je ne sais pas comment je vais vous répondre فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول كذلك. On savait que tu allais, que tu disais ainsi, et que tu allais répondre ainsi. On savait. Alhamdulillah. Ensuite, فيقال للأرض. Ensuite, on dira à la terre, التئمي عليه. التئمي عليه. يعني c'est à peu près. يعني elle va l'enlacer. Elle va se tourner autour de lui. La terre va se tourner autour de lui, bien sûr, pour lui faire mal. C'est pas pour comme une mère, par exemple, en la son enfant. Non, c'est là pour lui faire mal. Il a dit le hadith, fait-elle ta'im alayh. Yani elle va se tourner comme ça contre lui. Fait-elle adla'uh. Jusqu'à ce que les côtes qui se trouvent au côté droit vont sortir du côté gauche. Et celles qui se trouvent du côté gauche vont sortir du côté droit, tellement ça fait mal. Quel wahid, je ne sais pas comment on dit en français, quel wahid alladhi yushabbik asabi'ahu, comme quelqu'un qui met, ouvre ses doigts et il colle comme ça les deux mains. Il colle les deux mains avec les doigts ouverts. Donc il y a les doigts de la main droite qui rentrent dans les mains de la droite, dans les doigts de la main gauche, entrelacés. Voilà. On entrelace par exemple les deux mains. Donc, et bien sûr, c'est déjà un châtiment. Un châtiment azim. فَلَا يَزَلُ فِيهَا مُعَذَّبًا. Il restera ainsi dans le châtiment. حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ مَضْجِعِهِ. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal le fasse sortir de sa tombe. Il restera comme ça jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal le fasse sortir de sa tombe. Ensuite, il y a un hadith qui va à peu près dans ce sens. Je vais le dire pour terminer avec lui. Il y a un hadith, il y a beaucoup de hadiths dans la tombe, mais il y a tellement de choses qui se passent dans la tombe. Le prophète Ali sallam a dit, fi hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, dans le livre Sahih Targhib, Cheikh Al-Albani, il a dit hadith hasan, hadith bon. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال ان المؤمن في قبره, le croyant quand il est dans sa tombe, la fi rawda khadra, il sera dans un rawda, yani presque un paradis vert, ou la yani un jardin, ou la vert, un jardin vert, rawda, un jardin, c'est ça, rawda khadra verte. Fayurahhabu lahu qabruhu 70 dira'an. Ensuite sa tombe, on va l'agrandir 70 dira'an. Comme j'ai dit, maintenant le hadith a dit 35 mètres. 70 dira'an, c'est 35 mètres. Ensuite, quand tu fais 35 par 35, ça donne yani beaucoup, ça devient immense. Thumma qal wa yunawwaru lahu kal qamari laylat al-badri. Ensuite, l'azur lui mettra de la lumière comme lorsque vous êtes en plein obscurité et il y a la lune quand elle est le jour du 13e jour, 14e jour, 15e jour. Elle est yani, la lune elle est très forte. De façon à ce que la nuit, tu peux tout voir devant toi. La nuit, tu peux tout voir devant toi. Ensuite, celui-là, alors, dans sa tombe, il peut tout voir ce qu'il y a à l'intérieur. Atadruna. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la pleine lune, quand elle est en pleine lune. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Atadruna fi man unzilat hadhihi al-aya, fa inna lahu ma'ishatan danka. Parce qu'il y a un verset qui dit, فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Quiconque s'éloignera de ذكري, de mon Coran, ma sunna, la sunna du prophète, l'islam, etc., فله, il a une vie ضنكا, une vie difficile, une vie malheureuse, etc. ونحشره يوم القيامة أعمى. Et le jour du jugement dernier, il viendra aveugle. نعم, du rappel. Naam, le jour du rappel. Yani, il viendra aveugle. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous savez sur qui elle, yani, ce verset est descendu? Ils ont dit non, on ne sait pas. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? La vie elle est malheureuse. Ils ont dit, seul Allah azza wa jalla et son prophète savent. Qal, adabu al-kafir. Le kafir, quand il rentrera dans sa tombe, adabu al-kafir fi qabrihi. Le kafir, le mécréant, quand il sera dans sa tombe, walladhi nafsi biyadihi. Je jure par celui qui, mon âme est chez lui. Je jure, walladhi nafsi biyadihi. Regardez en parenthèse ceux qui disent que Allah Azza wa Jalla n'a pas de main. Walladhi nafsi biyadihi. Il a dit biyadihi, yadillah. Et ceux qui disent que l'yad, la main, c'est la ni'ma, etc. Comment mon âme va être dans la ni'ma d'Allah? Non, mon âme c'est dans la main d'Allah. Walladhi nafsi biyadihi, je jure pour celui qui détient mon âme dans sa main, innahu yusallatu alayhi, que يعني il aura comme supplice ou le châtiment 99 tinninan qu'il trouvera, Allah Azza wa Jalla lui fera venir dans sa tombe comme châtiment le kafir hada 99 dragons 99 tinninan. Ensuite là dit atadrun ma tinnin, nous tinnin en arabe on dit dragon. Maintenant le prophète va expliquer qu'est-ce que ça veut dire tinnin, et il a dit il y en aura 99. أتدرون ما التنين؟ وصابس كوسي التنين؟ إلى دي 70 حية 70 سيرفون لكل حية سبعة رؤوس 70 سيرفون شاك سيرفون avec 7 têtes. سبحان الله العظيم. Si tu comptes 70 serpents, chaque serpent avec 7 têtes, tu vas trouver que les serpents hado auront 490 têtes. قال Le prophète a dit يلسعونه pour le mordre ويخدشونه et pour le griffer إلى يوم القيامة. Subhanallah al-Azim. إلى يوم القيامة. Donc ça donne 6300 dans le deuxième hadith. Donc dans ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 70 serpents, chaque serpent avec 7 têtes. Chaque serpent avec 7 têtes. Ça donne 490 têtes de serpents. Maintenant, si on prend avec le premier où il a dit 99 dragons. Ensuite, il a dit chaque dragon c'est 70 serpents et chaque serpent avec 7 têtes. Si on prend avec ce calcul, ça donne quoi? Ça donne 6300 serpents avec le mécréant dans la tombe. 6300 serpents en tout, ça donne 44 000 sans tête en train de quoi? En train de le mordre jusqu'à ce que le jour du jugement dernier. Nous, pourquoi on va loin? Imaginez seulement un seul serpent, pas 6 000 ou la 44 000 ou la, comme a dit le hadith, un seul serpent avec une personne dans la tombe. On ne dit pas un boa de 30 mètres ou là, un petit serpent d'un mètre. Tu es dans la tombe qui fait 1,5 mètre de longueur, 1 mètre de largeur, et il y a un serpent avec toi, il fait seulement, j'ai dit tout à l'heure, 1 mètre, il fait 1/2 mètre, il fait 20 centimètres, c'est le grand malheur. Pas un serpent, seulement un petit scorpion, un rat seulement. C'est quoi? C'est le grand malheur. Dans une maison, on te met dans une chambre. On ferme maintenant la chambre à clé, on prend la clé, on te laisse à l'intérieur de la chambre. Tu n'as ni chaise, ni table, ni rien pour monter sur la table, et on te lâche un serpent. Dans une chambre grande, avec de la lumière au-dessus de toi, et 4 mètres sur 4 mètres, tu peux courir par-ci, par-là, et c'est le calvaire, comme on dit, un serpent. Imagine maintenant 40 000 serpents, je ne sais pas quand, dans une tombe d'un mètre, en train de quoi? En train de mordre le kafir hada jusqu'au jour du jugement dernier. C'est pour ça que, comme a dit le prophète, il disait toujours, ta'awadu min adab al-qabr. Il disait toujours, dit toujours, a'udhu billah min adab al-qabr. C'est pour ça que a dit le prophète, que même dans la salat, quand on termine la salat, on doit dire 4 choses. Parmi les 4 choses, qu'est-ce qu'on dit? A'udhu billahi min adab جهنم واعوذ بالله من عذاب القبر عذاب جهنم ومن عذاب القبر et c'est pour ça que nous on doit toujours et sans oublier tout le temps remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des musulmans. Il aurait pu Allah azza wa jalla faire de toi un chrétien, un juif, un bouddhiste, un je ne sais pas quoi, mais il t'a choisi et il t'a donné l'islam et il t'a fait descendre dans ton cœur et il t'a choisi pour faire la prière et pour faire ce que Allah Azza wa Jalla aime. Ça, il ne faut pas l'oublier, que c'est l'une des plus grandes ni'ma que Allah Azza wa Jalla t'a donné. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ, dites que des bienfaits d'Allah et de sa miséricorde, c'est de cela que vous devez être content, c'est de cela dont vous devez vous réjouir. فَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, c'est mieux que tout ce que vous regroupez, mieux que tout l'argent du monde, mieux que tous les palais du monde, mieux que toutes les belles voitures du monde, c'est que Allah Azza wa Jal te donne yani, quelque chose de lui, qu'il te choisisse, qu'il te fasse descendre le sakina fi qalbik, qu'il te rende musulman et musulmane. C'est pour ça que on doit remercier Allah Azza wa Jal jour et nuit, parce que on ne doit jamais oublier que Allah Azza wa Jal, qui t'a donné cela, peut te l'enlever d'une minute à l'autre. Combien on a entendu de gens qui étaient masha'Allah, masha'Allah, et qui se sont renversés, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient masha'Allah, des femmes ont arrivé même avec le sitar, et elles se sont renversées de l'autre côté, ou l'ayyadu billah. Et des frères avec la barbe qui arrivent au nombril, et maintenant ils sont dans des bars et dans d'autres côtés. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir peur, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala et le supplier qu'il te laisse ça dans ton cœur et qu'il te l'enlève pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas obligé de te donner cela ni de te choisir pour que tu sois de ceux qui vont entrer au paradis, mais seulement il l'a fait parce qu'il est bon subhanahu wa ta'ala, parce qu'il aime ses créatures, il t'a choisi, alors qu'il y a d'autres qui sont noyés dans l'égarement. Il y a des gens qui sont noyés dans l'égarement. C'est pour ça que surtout vous qui êtes en Europe, vous avez une grande responsabilité des gens qui sont égarés, les chrétiens, qui sont vos voisins, qui ça, vous devez essayer le maximum pour faire de sorte que vous les faites rentrer dans cette lumière qui est l'islam. Et quiconque yani, l'aide jusqu'à ce qu'il fasse rentrer quelqu'un, yani, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrun min humr al-na'am, c'est mieux que yani, tout ce qu'il y a dans ce monde. Autrefois c'était les chameaux rouges, quiconque avait un chameau rouge, classe, il avait la plus belle chose du monde. Maintenant si Allah Azza wa Jal t'aide et t'ouvre yani, le chemin, peut-être tu guides quelqu'un, un chrétien ou là, et tu fais rentrer en islam, wallah, yani, tu vas avoir un ajr comme yani, l'anbiya et comme yani, salihin et les autres. C'est pour ça moi j'oublierai pas de dire que entre parenthèses, c'est une petite parenthèse, jamais vous ne pouvez et vous ne pourrez rentrer quelqu'un si vous n'avez pas un bon comportement, parce qu'il y a qui va rentrer, c'est pas en parlant, c'est pas tu vas frapper à la porte, bien je vais te dire Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceci, le prophète a dit cela. Lui d'abord il commence par voir ton comportement, comment tu es, est-ce que tu es quelqu'un de sérieux, est-ce que tu es quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui ne rate pas les rendez-vous, quelqu'un qui ne fait pas de problème, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un, là quand tu parleras on entendra. Mais c'est quelqu'un yani, qui a l'allure d'un voyou, il parle ou il parle pas, personne ne va l'entendre. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم إن أصبت فهم الله عز وجل إن أخطأت فهم نفسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إن شاء الله 5 minutes et on commence إن شاء الله les questions qui ont rapport avec le dars إن شاء الله تعالى وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. Salam alaykoum wa rahmatullah. Je préfère ne pas me reposer pour ne pas perdre de temps, pour que inchallah on termine un peu tôt. Abdurrahman tafadali barakallahu fik. Abdurrahman tafadali, les autres barakallahu fikoum, préparez les questions, jazakumullah khayran. Dès que je vous donne l'accord, vous courez barakallahu fikoum. Tafadali Abdurrahman, j'attends ta question. J'ai oublié de t'enlever le point rouge, Mme Abdurrahman, tafadhali. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il permis de boire à la bouteille? On boit dans une bouteille quand c'est la bouteille est propre pour moi-même. Il n'y a personne qui boit avec moi. Sinon, je dois boire dans le verre. C'est une bouteille personnelle qui est seulement pour moi. Je peux boire de cette bouteille. Mais si on est en groupe, on doit boire de quoi? On doit boire d'un verre. Sauf si on boit d'une façon, j'ai vu certains boire d'une façon, il peut boire de la bouteille sans toucher avec ses lèvres. Et bien sûr, c'est très difficile pour ceux qui n'ont pas cette habitude parce qu'ils risquent que l'eau ne lui passe pas à travers la gorge. Il peut se faire très mal. Une femme peut-elle se baigner avec son mari chez sa famille si elle est sûre que personne ne la voit? Bien sûr. Si, l'essentiel, c'est qu'on ne les voit pas. Que ce soit chez sa famille à elle, chez sa famille à lui, chez des amis, n'importe où. L'essentiel, c'est que on ne les voit pas. Wallahu ta'ala alam. Om safiyata. Non, il y a deux formules. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Om safiyata. Il y a deux formules qu'on doit dire quand on éternue. Avec lesquels on répond quand on éternue. Quand on éternue, j'ai dit on dit ou bien alhamdulillah, ou bien alhamdulillah ala kulli hal, ou bien alhamdulillah rabbil alamin, ou bien avec du'a tawil. Quand on répond, on dit ou bien yahdikumullahu wa yuslihu balakum, ou bien on dit yaghfirullahu lana wa lakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum ou yaghfirullahu lana wa lakum. C'est pour ça que j'ai dit la fois passée que je permettais maintenant je permets pour celui qui veut enregistrer, si c'est seulement pour lui. Par exemple, toi, si tu avais enregistré, tu aurais pu par la suite, faire marcher la cassette pour écouter quelles sont les deux formules. Quand c'est à titre personnel pour quelqu'un, un talibin qui veut apprendre pour lui et réviser, je lui permets. Si c'est pour autre chose, je ne lui permets pas. Quant à Oum Abdurrahman, Oufiki Barakallah. Oum Sakina bint F. Tafadali Oum Sakina. Je t'ai enlevé le point rouge. Je demande à Oum Abdurrahman Oum Safiya Barakallahu Fihum de descendre les mains. Barakallahu Fihum. Zanjabila, prépare-toi Barakallahu Fik pour la question. Oum Sakina, on ne voit pas ta question. Par malheur, on ne la voit pas. Peut-être qu'elle est longue. Si tu peux la couper. Je dis à mes frères et mes sœurs de ne pas poser de questions longues. On la coupe la question en deux ou trois phrases. Bon, voilà la question. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yachir, j'espère que vous et votre famille allez bien, inshallah, barakallahu fik, le temps que vous nous accordez. Pourriez-vous réexpliquer ce que l'on doit faire quand on est à 70 d'avoir fait 2 rakat ou 3, inshallah ta'ala. Naam. Je vais réexpliquer, inshallah ta'ala. Alhamdulillah, ma famille et moi, nous allons bien. Et je demande à Allah Azza wa Jal que, inshallah ta'ala, de faire que vous tous, vous soyez bien. En ce qui concerne, quand on fait la prière, Oum Sakina, tu voudrais que je te demande, que je te parle seulement du deuxième cas, ou bien des deux cas? Car dans le premier cas, on est à 50%. Le deuxième cas, on est à 70%. Tu veux du deuxième cas seulement, ou bien tu veux des deux cas? Du deuxième cas, d'accord. Donc dans le deuxième cas, je donne un exemple. Je suis par exemple à Salat Dor et je suis en train de dire, est-ce que je suis à la deuxième raka ou est-ce que je suis à la première raka? Je suis en train de réfléchir maintenant. Je suis Salat Dor, je suis en train de me dire, je suis debout, je suis en train de lire. Je me dis, subhanallah al-adim, est-ce que c'est la deuxième ou est-ce que c'est la première? Ensuite, j'ai un penchant, par exemple à 70%, que par exemple, soit c'est la deuxième, soit c'est la première. Maintenant, je vais prendre par exemple, j'ai un penchant à 70% que c'est la première. Qu'est-ce que je fais? Je dis donc c'est la première, je la laisse la première, j'ajoute la deuxième, j'ajoute la troisième, j'ajoute la quatrième. Ensuite, je fais tahiyatullah, je fais salam alaykoum. Quand je fais salam alaykoum, je fais deux sujoud et je m'assois encore et je dis salam alaykoum. Hada, le cas où j'ai fait à 70% que c'était la première raka. Maintenant, si j'ai dit à 70%, c'est la deuxième raka. Hein? Je doutais entre la première et la deuxième. j'ai dit à 70%, c'est peut-être la deuxième raka. Je fais comme si c'était la deuxième raka. Donc j'ajoute la troisième, j'ajoute la quatrième, je m'assois, je fais tahiyya, je fais salamu alaykum, et je fais deux prosternations après salamu alaykum, et je dis encore une fois salamu alaykum. Voilà, inshallah tu as compris. Si tu n'as pas compris, tu peux reposer la question un peu plus tard, yani, après que je termine avec les autres, pour que je te réexplique inshallah ta'ala. Jabila, tafaddali. Inch'Allah ta'ala. Quelle est la différence entre faire les deux soujou de l'oubli ou du rajout avant le salam et après le salam? Zanjabila, est-ce que tu es en train, est-ce que ta question, tu parles de en général ou bien tu parles de ce que j'ai dit? Est-ce que tu parles en général ou bien tu parles de du hadith que je viens de dire? Réponds-moi, Barakallahu fik. Est-ce que tu parles en général ou bien tu parles de du hadith que je viens de dire? Yani de ce que j'ai dit, moi, de ce que vous avez dit, sûrement. Les deux premiers cas. Naam, naam. D'accord. La différence, naam, la différence c'est que quand on a un doute, on ne sait pas si c'est la deuxième, si c'est la première, si c'est la. C'est 50% la première, 50% la deuxième. Et c'est qu'est-ce qu'on fait? On se base sur le moins. Par exemple, si je doute entre la deuxième et la première, je me base sur la première. Si je doute entre la quatrième et la troisième, je me base sur la troisième. Je dis que c'est la troisième. Et je termine. Et je fais un sujoud avant. Je fais un sujoud avant. Parce que pourquoi? Parce que mon doute, j'avais seulement un doute à 50%. Si le doute dépasse 50%, ça devient tarjih. Tarjaha. Dans mon cœur que c'est maintenant 70% que c'est la première ou 70% c'est la deuxième, dans ce cas là on doit faire quoi? On doit faire sujoud après le salam. La différence c'est que dans le cas où il y a seulement le doute, on se bat sur le moins et on fait les deux sujoud dans la salat. Dans le deuxième cas, quand on a le doute un peu plus grand, ça veut dire on penche vers quelque chose, on se bat sur la chose sur laquelle on a penché, on fait le sujoud à l'extérieur de la salat. À l'extérieur de la salat, le prophète alayhi sallam a dit comme ça pour que le nombre soit exact, pour que le nombre de la salat soit exact. Sinon, si tu fais les deux sujoud à l'intérieur ou les deux à l'extérieur, ça va pas être juste. Ça va pas être juste. Fiki barakallah. Akhi Ibn Abdullah. أخي ابن عبد الله تفضل جزاك الله خيرا تفضل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ابن عبد الله prends le micro أخي المغربي prends le micro et dis-moi de quelle ville tu es au Maroc بارك الله فيك et pose ta question. Salam alaikum, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Ok, salam alaikum. En fait, mon pseudo, je suis originaire du Maroc, mais j'habite pas encore au Maroc. Inch'Allah, je vais faire Hijra bientôt, car rien ne facilite. Ok. Cheikh, je voulais poser deux questions. En fait, je voulais revenir déjà sur la sunna du Jumu'ah, où vous avez dit que, en fait, j'en avais parlé cette semaine et vous êtes revenu dessus tout à l'heure. C'était sur le fait de sortir ou bien de parler avec quelqu'un avant de faire une nafila après une salat obligatoire. En fait, j'ai parlé avec un frère et il m'a confirmé que, d'après le Cheikh Ibn Rathamin, rahimallah, et l'imam al-Nawawi, en fait, ils étaient de l'avis que, qu'en fait c'était une règle générale, ça s'appliquait pas qu'au Jumu'ah en fait. Donc déjà je voulais avoir votre avis là-dessus. C'était dans le charh de Riyad al-Salihin. Et ensuite je voulais poser une question aussi sur le fait, par rapport à l'obligation, l'obéissance de la femme sur son mari. En fait on m'a parlé d'un hadith, mais je sais pas si le sahih ou pas. C'est une femme qui dont son mari est parti en voyage. Son mari l'a interdit de sortir. Il y a quelqu'un qui vient informer cette femme que en fait son père il est malade. Et donc elle a demandé si elle pouvait aller le visiter. On lui a dit que si son mari l'avait interdit, donc elle devait pas le faire. Ensuite cette même personne était venue la voir en lui disant que son père était souffrant. Elle a redemandé si elle pouvait aller le voir et on lui a toujours interdit parce que en fait son mari l'avait interdit. Et enfin on vient lui dire que son père il est mort et elle voulait que je sais plus si elle voulait assister à son enterrement ou je sais pas en fait si elle voulait elle voulait visiter son père avant qu'il soit enterré et on lui a interdit encore dans le sens qu'elle doit respecter l'obéissance à son mari et je voulais juste savoir si c'était sahih ou pas et comment il faut le comprendre. Barakallahu fikoum. Fika barakallah akhi ibn Abdullah. En ce qui concerne tu as dit que la règle était générale. Maintenant, je ne me rappelle pas très bien. J'ai fait déjà un baht. Un baht, ça veut dire une recherche en ce sens, mais ça fait des années. Maintenant, j'ai oublié. Je sais que, en règle générale, dans les autres prières, que tu ne peux pas faire dans la même place. Quand tu fais une obligatoire, tu changes un peu de place et tu fais une nafila. C'est-à-dire que ça te suffit. Tu n'es pas obligé, par exemple, de parler. Mais si Cheikh Ibn Uthaymeen a dit cela, que tu prennes directement de ce qu'il a dit. C'est pas la peine, Yannick, d'attendre que je te réponde. Mais moi, personnellement, j'ai oublié. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu sur cette mes'a-là. Inch'Allah ta'ala, j'y reviendrai. En ce qui concerne le hadith que tu viens de dire, c'est pas un hadith sahih. Je crois que c'est Kishk, Allah irhamou, qui l'a dit. Je crois l'avoir entendu une fois, c'est Kishk qui l'a dit, mais c'est pas un hadith sahih. De toute façon, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son livre Sharh al-Mumti', il a dit aussi que c'était pas bien, c'était décommandé, c'est pas recommandé aux hommes de ne pas donner la permission à sa femme d'aller chez sa famille, d'interdire. Il a dit qu'il y a un homme d'interdire à une femme d'aller d'interdire à une femme d'aller voir son père et sa famille, etc., surtout s'ils sont mourants, surtout, etc. Ça, c'est pas le vrai musulman qui doit faire cela. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum li ahli. Wana khayrukum li ahli. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que signifie wasila? Wasila, je l'ai déjà expliqué. J'ai dit au paradis, il y a un endroit, c'est le plus beau du paradis. Certains ont dit c'est lui-même un paradis. Et certains ont dit c'est un endroit au paradis, c'est un degré. Il y a une menzila dans le paradis. Que seul un homme y rentrera. Il n'y aura pas deux, il y aura un seul. Et le prophète Al-Islam nous a demandé à Allah Azza wa Jalla que ce soit lui qui sera dans cette voici-là. On dit Allah Azza wa Jalla an yaj'alahu huwa fi al-wasila wa an yu'tiyahu hadhihi al-manzila al-'azima. حق له صلى الله عليه وسلم حق له تفضلي أم هاجر بارك الله فيك. حياك الله عبد الله 15. حياك الله وجزاك الله خيرا أم هاجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. pour ce que je sais, quelle différence entre le doute court et le doute long? Durée ou le cas que vous avez spécifié. Doute court et doute long. Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que Omhajar, est-ce que toi tu as compris que moi, quand j'ai parlé, je parlais de doutes courts et de doutes longs? Est-ce que toi tu as compris que moi j'ai parlé ça? Parce que moi je ne parlais pas de doutes courts et de doutes longs. Je parlais de doutes où yani, on ne pouvait rien savoir si c'est la première ou la deuxième. Mais pas... Voilà, je parlais de doutes en général, ça. Toi tu parles de doutes lourds, ah ça, j'ai compris maintenant, j'ai compris ta question. En ce qui concerne ce doute, c'est les ulama ont dit, non, les ulama ont dit que quand on oublie quelque chose par exemple, supposons qu'on oublie quelque chose ou là, ensuite on se rappelle après la salat. Si le doute, si le temps est court, si je ne sais pas si c'est celle-là ta question, si le temps est court, on peut faire le sujoud, Yannick. Mais si par exemple on va à la maison, on reste une heure, hein, on mange, etc., ensuite on se souvient, là on ne peut pas faire le sujoud, on doit refaire la salat. Je ne sais pas si c'est celle-là ta question, si c'est une autre... Naam, si c'est celle-là, naam. Quand quelqu'un par exemple, imagine par exemple que je viens de faire le dhuhr, j'ai fait 3 rak'at. Ensuite j'ai dit salam alaykoum, salam rahmatullah. Il me reste la quatrième. Ensuite je sors de la mosquée, je suis en train de marcher pour aller à la maison. Ensuite je me souviens. Ensuite je suis sûr, je dis wallah, je suis sûr que j'ai fait 3 seulement. Qu'est-ce que je fais? Ça fait à peu près 5 minutes que je suis sorti de la mosquée. Je reviens à la mosquée, ou bien si ma maison est plus près, je vais vers ma maison et je continue la prière. Je ne la refais pas de nouveau. Pourquoi? Parce que je viens de me rappeler, ça fait seulement 5 minutes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a oublié, il a fait le salam comme ça, la troisième, il est sorti, on l'a fait revenir de la rue, en plein rue, on l'a appelé, on l'a fait revenir, il est rentré, il a fait encore une fois, et il iqama, qatram salat, ensuite il s'est assis. Quand on veut continuer une salat, on ne se met pas debout, on dit Allahu Akbar et on la continue. On s'assoit, comme on faisait le teshahud, on s'assoit sans dire Allahu Akbar. Parce qu'on est toujours dans la salat. On s'assoit, on continue ce qu'on a à dire, on se lève, on fait un raka et on termine et on se prosterne. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Muhaz, tafadhal. Et celui qui est éternu qui ne dit pas Alhamdulillah, on peut le lui rappeler même si c'est souvent la même personne qui oublie. On lui rappelle, naam. On lui dit, dis Alhamdulillah, naam. On lui rappelle, c'est bien de faire rappeler aux gens le din et la sunna, etc. Mais on lui dit pas Irhamukallah. On lui dit, dis Alhamdulillah, afin qu'on te fasse le dua, Irhamukallah. Et si jamais Allah Azza wa Jalla exauce le dua, Irhamukallah, il va descendre une rahma sur toi. Qui est mieux que toi? Donc, on lui dit pas Irhamukallah, mais on lui rappelle. Maintenant, si on a des doutes, on dit peut-être qu'il a dit, tu lui dis Alhamdulillah si tu as dit. Alhamdulillah si tu as dit, comme faisait Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu. Allah est khair. Abu Mouaz, ta fadl. Abu Mouaz, il reste seulement un quart d'heure. Barakallahu fik, attends, je vais passer un autre et je reviens vers toi. Peut-être que tu es en train d'écrire ou là. Faqira ilallah, tafadhal, ou tafadhali, faqira ilallah. Salam alaikum. Salam alaikum, Abdullah. Ya Cheikh, est-ce que vous nous entendez? Vous nous entendez? Est-ce que vous voyez une autre question? rahmatou barak. Ya Cheikh, notre Hakim. Oui, ma question était de savoir, notre Hakim, notre président ici, il nous dit selon la laïcité, démocratie. Lakin, il effectue la prière et il fait le hajj. Est-ce que nous devrons lui faire al-bay'a? Devons-nous lui prêter serment d'allégeance? Salam alaykoum. Salam alaykoum. Oui, j'ai dit que notre hakim, notre juge, il nous juge selon la laïcité. Il est la démocratie. Mais il prie et il fait le hajj. Il fait même la umrah. Est-ce que nous devons lui faire al-bay'a, sachant qu'il ne nous juge pas selon ce que Allah a fait descendre? Salam alaykoum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Abu Mouaz, ou l'Abu Mouaz, ممكن Abu Mouaz. جزاك الله خيرا. Le hakim, tant qu'il n'est pas kafir, et bien sûr quelqu'un qui va à la Umrah, il va dalil qu'il n'est pas kafir, sinon qu'est-ce qu'il va faire à la Umrah? Il va à la Hajj alors qu'il sait qu'il va aller à Jahannam pour ne pas sortir. Le hakim, tant qu'il n'est pas kafir, tu dois lui faire la bay'a. Tu dois faire la bay'a, et ensuite le fait de ne pas avoir pratiqué l'islam, de ne pas avoir jugé avec l'islam, etc., c'est lui qui va être dans les grands problèmes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui ne pratique pas, celui qui ne juge pas avec l'islam, mais l'ayakum bima anzalallah, il y a plusieurs cas. C'est pas toujours celui qui ne juge pas avec l'islam, sauf qu'il n'est pas musulman. On peut ne pas juger avec l'islam et rester musulman. Pourquoi? On peut avoir on peut être jahil, on peut avoir peur, on peut avoir, les ulama ont dit, il y a beaucoup de raisons avec lesquelles même il ne yahkumch avec l'islam, mais il reste toujours musulman. Quand est-ce qu'il devient kafir? Quand il dit par exemple que moi je ne reconnais pas l'islam hada, la a'tarif bih, la a'tarif bil hukm bil islam, ou il dit moi ce que je fais c'est mieux que l'islam, ou la chose avec laquelle je juge moi est comme l'islam. Mais maintenant, s'il est en erreur, ou là il est trompé, ou là on l'a trompé, ou là on lui a dit ce que tu fais bien, ou là, etc., celui-là, c'est toujours un musulman. Soit tu lui fais la bay'a, Inch'Allah ta'ala. Pourquoi? Pour que demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouves que toi aussi tu n'as pas de problème. Parce qu'il y a un hadith sahih qui dit que quiconque ne fait pas la bay'a, et il meurt sans faire la bay'a, il meurt une mort de jahilite. Mit Jahiliya. Et dans un autre hadith, il dit il va rencontrer Allah Azza wa Jal et il n'aura rien chez lui. Walisa indahu shay, ou fi ma'ana. Etc. Voilà ce que je voulais dire. Pour en ce qui concerne Faqir Allah subhanahu wa ta'ala, je dois d'abord, si elle est là, j'ai demandé si je dois lui répondre en arabe ou pas. Je crois que je vais lui répondre en arabe parce qu'elle m'a posé la question en arabe. Je vais voir d'abord, je vais chercher si elle est dans la salle. Si elle n'est pas, c'est pas la fin que je réponde. Faqira ilallah, je vois pas son nom ici devant moi. Est-ce que vous voyez son nom ici, Faqira, dans la salle? Est-ce que quelqu'un voit son nom dans la salle? Salam à 57. Tafadal, ou tafadal, salam à 57. Abdullah écrit ou bien il dit, yani le hakim, que c'est permis pour lui de le faire. Yani il dit que c'est halal de juger, de ne pas juger avec l'islam. Il dit c'est halal, c'est pas interdit. Tout cela bien sûr, c'est du kofr comme vous devez le savoir. Salam, pose ta question, barakallahu fik. En ce qui concerne Abou Moual, est-ce que la mes'ala du Bay'a est fiqhiya ou aqidiya? Les ulamas, tellement yani, ils insistent sur le minhaj et tellement ils ont peur des problèmes des takfiriyins et des mubtadi'a et des innovateurs qu'ils ont fait rentrer cela dans quoi? Dans la aqida. Quand tu lis les livres de la aqida, ils te disent wala nara al-khuruj al-hakim al-muslim wala nara al-khuruj. Ils disent que quand quelqu'un il est musulman, on n'a pas le droit de quoi? De le combattre. Ça veut dire on est obligé de lui faire la béa. Même pire que ça. Même quand le gouverneur, le hakim, même quand il est kafir, c'est que ça veut dire kafir. C'est un kafir qui a accroché la croix sur son cou et il a l'évangile. Il a l'évangile dans sa main. Celui-là, c'est un kafir qui insulte l'islam. Celui-là, et ça ne veut pas dire que tu es obligé de lui faire la guerre. Tu ne fais la guerre que dans des houdouds de ce qu'on appelle la siyasa sharia. Tu lui fais la guerre, le kafir, quand tu sais que tu vas triompher. C'est pas que tu lui fais la guerre pour qu'il t'anéantisse, pour qu'il anéantisse et nous il va tous nous enterrer. On fait la guerre à quelqu'un quand on sait que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a pesé, il triomphait sur ses adversaires. Et non pas, il prenait ses soldats pour les anéantir et revenir seul. C'est pour ça que les ulama ont dit, même quand il est kafir, et ce n'est pas dans tous les cas, on lui fait la guerre. Seulement, on lui fait la guerre quand, inchallah ta'ala, on sait qu'on est prêt et que si on va la faire, on va à 70%, 80%, on va, inchallah ta'ala, Dieu va nous faire, la Zoli va nous faire triompher. En ce qui concerne la sutra, quand on prend une sutra, si un homme ou un animal, un chat par exemple, passe entre nous et la sutra, est-ce que ça annule la salat? Quand on fait une sutra, fika barakala, quand on fait une sutra, alhamdoulilah, s'il y a quelqu'un qui veut passer entre nous et la sutra, qu'est-ce qu'on va faire? On essaye de le pousser. Si c'est quelqu'un de conscient, un homme, etc., on essaye de le pousser. Maintenant, si nous on essaye par exemple, Et lui il passe, ça c'est pas notre faute, c'est pas nous qui l'avons laissé passer. Mais si on peut l'éviter, au maximum on évite. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, quand il faisait une fois la prière, il y a un mouton qui a voulu passer entre lui et la sutra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dès qu'il a senti que le mouton allait passer, il s'est vite précipité et il a collé sa poitrine contre le mur. Il s'est vite précipité vers la sutra qui était un mur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a collé sa poitrine contre le mur et le mouton, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé derrière le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, la même chose, quand tu es devant la sutra, tu sens quelque chose va passer, hop, tu te précipites vers l'avant. Tu fais un pas vers l'avant et tu fais de sorte que cette chose passe derrière toi et pas entre toi et la sutra. Pas entre toi et la sutra. Maintenant, si quelqu'un passe entre toi et la sutra, si c'est une femme, je dis une femme, pas une fille, ça veut dire pubère déjà, si c'est une femme, ou bien un chien noir, pas un chien blanc ou là, un chien noir, ou bien un homme, s'il passe entre toi et la sutra, ta salat est annulée, tu dois la refaire. Si c'est d'autres, il y en a par exemple un homme ou là, une petite fille, ou là, tu laisses passer cela, il y a un hadith de Abdullah ibn Mas'ud et les Sahih wa Hassan qui dit que tu auras la moitié de la salat. Tu auras la moitié seulement de l'ajr de la salat. Pourquoi? Parce que tu as laissé passer cela et tu ne les as pas poussés pour qu'ils ne passent pas. Mais si c'est une femme, il y a une pubère déjà, une femme, ou bien un chien noir, ou bien un âne, ta salat est annulée. Donc à chaque fois que tu prends la salat, tu sens que quelqu'un veut passer, tu fais comme le prophète alayhi salatu wasalam, tu colles ta poitrine contre la sutra et tu le laisses passer derrière. C'est pour ça même le petit enfant, s'il veut passer entre toi et la sutra, ne le laisse pas passer. Laisse-le sur ton dos. Quand tu te prosternes, il monte sur ton dos, comme on monte par exemple sur un cheval ou là, comme faisait le prophète alayhi salatu wasalam. C'est mieux que qu'il passe entre toi et la sutra. Bint, tafaddali, barakallahu fik. lorsque après avoir dit yahdikum Allah yuslihu balakum, j'ai tendance à dire amin. Est-ce bida? Naam, tu dis pas amin, parce que si ça se disait, le prophète alayhi sallam l'aurait dit et nous l'aurait fait apprendre. Ensuite, lorsque tu dis amin, les gens qui ne connaissent pas le din, qui t'entendent, surtout que peut-être ils disent c'est Allah sun talibat ilm, elle sait ce qu'elle dit, donc ils vont dire c'est une sunna. Ils vont dire Allah, moi j'ai entendu Bent dire amin. Donc elle, c'est sûr qu'elle ne parle pas de sa tête. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas amin. Pourquoi? Pour s'arrêter où le prophète alayhi salam s'est arrêté. Maintenant, si tu l'as dit par exemple une fois, tu l'as dit une fois comme ça, c'est sorti de ta tête, bien sûr que ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que peut-être c'est sorti comme ça. Mais si tu l'as dit tout le temps, ça devient maintenant presque une nouvelle formule, ça devient quelque chose à la place de la sunna, ça c'est interdit, ça rentre dans la bid'a. Salafia, Inch'Allah, tafadhal. Je vois qu'il y a une autre question. Quel est l'avis sur le fait d'appeler Moumou un frère qui s'appelle Mohamed et Aziz un frère qui s'appelle Abdelaziz? En ce qui concerne le deuxième, Abdelaziz, tu l'appelles Aziz, c'est permis. Parce qu'il y a des gens qui sont Aziz. Comme tu appelles quelqu'un Karim, comme tu appelles quelqu'un Hakim, tout cela c'est permis. Au lieu de dire Abd, tu peux l'appeler directement, c'est permis. Dans certains cas, bien sûr, comme dans les deux cas ici, les trois cas dont je viens de citer. Mais Mohamed, tu l'appelles Moumou, de préférence non. De préférence non. Mohamed, c'est un nom shérif, c'est le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De préférence, on le laisse comme ça. On aime le prophète alayhi wa sallam, on aime dire son prénom. Et Moumou, ça fait même un peu peut-être. Un peu français ou un peu je ne sais pas quoi. C'est pour ça, préférence sur Allah Ta'ala, on le laisse Mohamed, Allah Ta'ala alam. Jazakallahu khair, Abu Ta'ala, Barofik. Maintenant, il y a une autre question, je crois que peut-être c'est la dernière. Salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais savoir s'il est autorisé à une femme de donner des cours de dîn à un groupe de sœurs. Pourquoi pas, bien sûr. À partir de livres de grands savants tels que Cheikh Al-Rahimallah, en sachant que ce cours est donné à la mosquée, car il n'y a pas de lieu assez grand ailleurs, et aussi ces cours sont donnés deux fois par semaine quotidiennement. Cela est-il une bida? Jazakallahu khair. Ma question est passée, Inch'Allah. On en fait, barakallahu khair. Fiki barakallahu umben. Non seulement il n'est pas interdit, mais il est conseillé pour quelqu'un, yani, s'il veut donner des cours, une sœur à des sœurs, bien sûr, elle aura, inshallah ta'ala, un grand ajr demain quand elle rencontre Allah Azza wa Jal, à condition seulement de quoi? D'être sûr que ce qu'elle est en train de dire, que c'est juste. Yani, elle a les bases, elle a les ahliya, elle a les moyens, elle a le niveau de donner. Et peut-être elle lit seulement sans expliquer. Peut-être si elle explique, elle va rentrer dans l'erreur. Mais elle se connaît. Si elle se connaît qu'elle a un niveau yani, assez fort qui permet de faire un cours et inshallah ta'ala de ne pas dévier dans le sens, etc. Et que ce qu'elle donne, c'est exactement ce qu'a voulu dire le Sahib al-Kitab, celui qui a écrit le livre, Inch'Allah ta'ala, il est permis. Mais comme j'ai dit, il faut qu'elle soit sûre qu'elle a le niveau de donner. Parce que l'essentiel, c'est pas seulement de lire. Car moi, je peux lire un livre, et yani, je comprends à ma façon. Je peux lire un livre, ensuite je comprends à ma façon. Ensuite, quand j'explique aux gens, il se trouve que quoi? Que ce que j'ai expliqué, ce n'était pas ce que voulait dire celui qui a écrit le livre. C'est pour ça qu'on doit en avoir un niveau assez fort pour être sûr que voilà ce qu'il a voulu dire en écrivant cela. En ce qui concerne deux fois par semaine, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas bid'a. Qui a dit que c'était bid'a? Deux fois, trois fois par semaine, choisir des jours comme ça, des jours où on peut faire, car on ne peut pas faire tous les jours, bien sûr. Inch'Allah ta'ala, jaiz, wa, ce n'est pas bid'a. Inch'Allah ta'ala, ma'jura, ma'jura, Inch'Allah ta'ala, dalika, imizan, l'hasanat. Saliha, tafadhal. En ce qui concerne le chat, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna hunna min at-tawafin wa tawafat alaykum. Il n'y a aucun problème avec le chat. Les règles des ablutions sont les mêmes. Même s'il te touche avec ses pattes ou sa langue, ou tu fais les ablutions, tu le portes sur toi, tu le mets sur tes genoux, ce n'est pas comme le chien. Il n'a aucune règle, à ce que je sache. Il n'a aucune règle. C'est comme si tu avais touché un lapin. Il n'y a pas de différence peut-être entre lui et un lapin, même s'il te touche avec sa langue. Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Abd Qadir, tafadhal. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وشكرا الشيخ. الله يزيدك. آمين يا رب العالمين. الله أن يزيدنا جميعا لنصرت من أنتم أصل بين يديه الحائط أغليس وكذلك. أخي عبد الله, المقصود بالحائض التي أصبحت تحيض, وإلا فإنه يعصر على الإنسان يسأل المرأة هل التي مرت هل كانت متلبسة بالحيض أم لا, إنما المقصود التي بلغت المحيض وأصبحت طاحيض. والله تعالى أعلم. أخي عبد القادر, je crois que tu n'as pas de question. والله تعالى أعلم. أخي أبو مراد, تفضل. بارك الله فيك أبو مراد, تفضل. اخي عبد القادر, اسمح لي, اذا تفضل اسال سؤالك. بارك الله, تفضل. اسمح لي قفزت عليك, اقرا السؤال تاع ابو مراد وارجع اليك. السلام عليكم ورحمه الله. الشيخ لابولونتي في تلبخ دي زاتري بيد الله سي وي كي تي لان ريكومونداسيون سي لاك اي بوسيبل شي سي نيت با تروب فاتيغي دو نو رابلي ادي فرانك لابولونتي انيفيرسي لا دي كونيا بونتي ريليجيوز لا دي. بارك الله فيك. اخي ابو مراد, je te rappelle la différence, tu as dit de nous rappeler la différence, alors que je n'ai même pas fait le dars de la différence entre la volonté universelle et la volonté religieuse. Comment, yani, je te rappelle alors que je n'ai pas encore fait le dars. Barakallahu fi. Ce sera inshallah ta'ala le prochain dars, mais pour te dire comme ça, yani, très vite, sans expliquer, parce que ce sera le prochain dars. La volonté universelle peut se, yani, la volonté universelle, ça n'inclut pas le mahabba, l'amour. Yani, Allah Azza wa Jal veut des choses sans qu'il les aime. La volonté universelle, elle la tatakhallaf. Si Allah Azza wa Jal veut quelque chose, il faut qu'elle soit. Et l'autre volonté, la volonté, comment tu l'appelles, juridique ou la religieuse, elle s'appelle aussi juridique, c'est l'amour. Yani, c'est le hub ou le mahabba. Yani, Allah Azza wa Jal veut des choses qu'il aime. C'est pour ça que les choses qu'il aime, des fois il les veut et il ne les fait pas, il ne les crée pas. C'est pour ça que la volonté juridique, elle peut retarder. Allah Azza wa Jal veut, par exemple, veut que Abu Jahl devienne musulman, et pourtant Abu Jahl n'est pas devenu musulman. Pourtant Allah Azza wa Jal veut que tout le monde soit croyant, et pourtant Abu Jahl n'est pas devenu musulman. Mais l'autre, non, l'autre, quand Allah Azza wa Jal veut quelque chose, il ne m'a pas dit l'ichéin ida aradao يقول ان يقول له كن فيكون. L'autre, quand il veut quelque chose, il faut qu'elle soit. لكن ان شاء الله تعالى on la laissera au prochain dars ان شاء الله تعالى. Quant à qu'est-ce que tu as dit aussi, tu as posé une autre question. J'enlève à Ilham le point rouge pour poser la question le temps que je cherche inshallah ta'ala l'autre question. Abdelkader, tu as dit j'ai posé la question, je vois pas où est ta question. Abdelkader, je monte un peu en haut, il n'y a pas ta question ici, il n'y a pas ta question. Abdelkader, s'il y a quelqu'un qui a vu la question de Abdelkader, qu'il me le dise. Barakallahu fik, comme moi je la vois pas, je trouve la question de Abu Mourad. S'il y a quelqu'un qui voit la question d'Abdelkader, qu'il me le dise. Je voulais savoir, il doit y avoir un hadith, je l'ai pas sous les yeux, sur le fait de dire Amin après l'imam. Et si l'Amin correspond à celui des anges, nous présenterons son pardon. Je crois que c'est ça. Si c'est le cas, est-ce que si l'imam ne dit pas Amin, on ne doit pas le dire? Barakallahu fik. Je repose alors. Naam, Ousmak, Akhi Abdelkader, même si l'imam ne dit pas, tu dis. C'est comme ça qu'a dit Cheikh Al-Albani. Même si l'imam ne dit pas Amin, toi tu dis. Parce que quand l'imam dit Amin, les anges vont dire Amin, et toi, si ton Amin va correspondre avec celui des anges, Allah Azza wa Jal rah yaghfir lak. Maintenant, si l'imam yuqassir, c'est lui déjà qui rentre en faute. C'est lui qui rentre en faute, il ne dit pas Amin. Donc là, on le dit. Moi, je crois, inshallah ta'ala, je l'ai entendu dans une cassette. Ce que je t'ai dit de l'Albani, j'ai entendu dans une cassette. On lui a posé cette question et il a répondu ainsi, si je ne me suis pas trompé, inshallah ta'ala. Naam. Il y avait une question ici, je voulais voir, une question rouge. Ilham, alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. J'ai entendu parler de salat al-hajja, salat du besoin. Existe-t-elle vraiment? Si oui, comment on l'a fait-on? Peut-on utiliser internet pour se marier? Salat al-hajja, il n'y a pas un hadith qui dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle salat al-hajja. Il n'y a pas un hadith qui dit qu'il y a une salat qui s'appelle salat al-hajja. Mais toi, quiconque yani, c'est un wudu. Et yani, il fait une prière et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider, etc. Il est permis, bien sûr. Il est permis, bien sûr. Mais il n'y a pas une salat spécialement qui s'appelle salat al-hajja. Quant à se marier par l'internet, je ne sais pas comment exactement. Je n'ai pas une idée sur comment ça se passe. Quand Inch'Allah ta'ala, je comprendrai comment, je pourrai te dire si c'est oui ou non. لأن الجواب فرع عن تصور. عبد القادر والله سكوش تيدي يعني c'est un peu vieux, mais j'ai un ami ici qui a beaucoup de cassettes du Cheikh Al-Albani. Je vais lui demander inshallah ta'ala s'il a une cassette où il a entendu cela. S'il a entendu cela, inshallah ta'ala, je te promets, inshallah ta'ala, que je la porterai bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. J'ai entendu dire que les ulama ne permettaient pas le chat, etc., pour parler de mariage. Pour parler comme ça, un homme avec une femme, et ils sont en train de parler de mariage, etc., parce que yani, la plupart du temps, ça ne marche pas. La plupart du temps, ce sont des gens qui ne sont pas sincères. Naam. Ensuite, c'est plein de fitan. Et beaucoup de gens, ils font spécialement cela. Yani, ils viennent derrière l'internet, ils se donnent un beau pseudo. Ensuite, ils parlent avec la femme 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, alors qu'ils n'ont ni envie de se marier, ni rien. À la dernière minute, yani, ça, il se trouve qu'ils font des choses que Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla n'aime pas, et bien sûr ça devient yani, une grande mouchkila. Comme a dit Abdullah Kenz, il a dit ici, Ahlul Ain, Nasahu bi'adam isti'mal al-shabaka min ajli zawaj lima fi min fitan. Ensuite, on a lu une fois que il y avait une femme qui faisait le chatting comme ça avec un homme pour vouloir se marier. Attends une seconde, Dylan. Une femme faisait comme ça, yani, la correspondance. Ça s'est passé ici au Koweït. La correspondance avec un homme pour se marier, etc. Il s'écrivait des lettres, etc. Chaque fois. Ensuite, du mariage, ça a commencé à parler de choses yani, secrètes, etc., etc. Ils ont parlé comme ça, je ne sais pas combien, 6 mois ou là, 8 mois ou là. La sœur avec un pseudo et l'homme Ada avec un autre pseudo. Ensuite, une fois, la femme a dit, une fois, elle est rentrée, la fille a dit, ou là, la femme, elle est rentrée dans sa chambre. Il y a un micro, il y a un bureau, il y a un micro, bien sûr. Et quand. Comme ça, elle est rentrée dans la chambre de son frère, pas dans la chambre de son frère. Il a un micro, c'est ça. Elle a ouvert le tiroir, ou elle a vu à l'intérieur de l'internet, ou là, à l'intérieur de ses dossiers, ou l'enchar. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé toutes les lettres qu'elle avait envoyées au frère qu'elle voulait connaître pour se marier avec elle, car le frère Reda, et qui n'était autre que son vrai frère, qui rentrait aussi avec un autre pseudo, hein. Elle lui écrivait et il ne savait pas que c'était sa sœur, il croyait que c'était une femme, il correspondait avec elle, il lui disait des choses comme ça, que je voudrais pas dire. Hein. Et ensuite, la femme a dit, quand elle a découvert que finalement elle ne parlait qu'avec son frère, Allah al-Musta'an, Naam, on l'a fait rentrer à l'hôpital, ici à l'hôpital du Koweït. Elle est rentrée à l'hôpital, elle est tombée malade parce que elle est tombée amoureuse de son frère dans les lettres et tout, ils ont parlé de beaucoup de choses, etc. Finalement, ce n'était que son frère avec un pseudo. C'est pour ça que je te dis, quand quelqu'un dit, moi je suis Abu, je ne sais pas, X, Abu Mohamed, qui c'est celui-là, Abu Mohamed? Prouve-moi d'abord que ce n'est pas un juif, ou là ce n'est pas un ivrogne, ou là je ne sais pas qui. Il prend comme ça un pseudo, il commence à parler, je vais te faire, je vais te donner, je vais te faire. Maintenant, si tu dis comme ça, seulement pour les coordonnées, seulement si c'est pour prendre seulement les coordonnées du père ou là du mahram, on sait c'est le mahram par exemple. C'est celui qui veut demander la main, il vient parler avec le mahram, il vient parler avec le frère, avec le père. Inch'Allah, si c'est comme ça, c'est peut-être. Il y en a juste pour qu'il vienne parler avec mon père et avec mon frère. Mais ce n'est pas pour, il y en a parler avec moi 6 mois ou 8 mois. Après, il va me donner un coup de pied, il va me dire salam alaikum, et il va épouser sa cousine qui habite en face de lui. Tfadal Balout Jamal, tfadal Baraklahou fik. اخي بالوت تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. J'ai parlé avec une personne de la Jama'a Tablir. Il m'a dit, si vous dites que le khourouj 40 jours c'est bida, alors pourquoi vos étudiants salafis restent une année scolaire pour étudier? C'est aussi une bida. J'ai pas su lui répondre à ça. Est-ce que c'est une bida le fait d'étudier une année, ensuite vacances, puis une année, etc. Étudier où? J'ai pas compris. Où est-ce qu'on étudie? J'ai pas compris ta réponse. Je relis ta question, tu as dit J'ai parlé à une personne de la Jama'at Tablir. Il m'a dit, si vous dites que le khuruj 40 jours est bida, alors pourquoi vos étudiants, c'est la terrestre une année scolaire pour étudier. C'est aussi une bida. J'ai pas su le répondre. Est-ce que c'est une bida, le fait d'étudier une année, ou si par contre, c'est une année, les universités, etc. Tablir dit aussi, c'est une bida, car les sahabas faisaient pas ça. Wallahi, je ne trouve pas à quoi te répondre. Tellement les tabliriens, hein, tellement ils sont égarés. Wallahi, je te demande seulement de ne pas les côtoyer. Je te demande seulement de t'éloigner d'eux pour qu'ils ne, pour qu'ils ne te jettent pas leur poison dans ton cœur. Ensuite, tu vas être ébranlé. Ensuite, tu vas plus savoir où est le vrai. Toi, tu dois, inshallah ta'ala, avoir dans le cœur d'une façon ferme, sans être ébranlé, qu'ils sont égarés. Ils sont égarés et qu'ils ne sont pas sur le vrai minhaj. Et que le prophète alayhi sallam n'a pas fait cela, et que les sahaba radiallahu ta'ala n'ont pas fait cela. Moi, je les vois ici dans les mosquées, comme tout ça, plein de bida. Leur dîn, c'est tous des hadiths da'if. La aqida, c'est rien, c'est le shirk. Ils ont le shirk et ils se permettent de tourner autour des tombes, ils permettent de faire des wasa'it. Donc ils sont très très loin dans la aqida, ils sont très loin dans le fiqh, ils sont très loin dans l'islam, ils sont très loin dans le minhaj. Très loin. C'est pour ça que je te demande de t'éloigner d'eux. Et t'amassak bil haq, wa la tuhawil an tujadilahum, fa inna dhalika la yughni anhum shay'an. Ensuite, pour les convaincre, c'est très difficile. Quelqu'un qui a une bid'a dans le cœur ancré, c'est très difficile pour le convaincre. Maintenant que on étudie dans les universités, etc. D'abord, c'est pas nous qui avons fait cette loi d'une année, ensuite les vacances. D'abord, c'est quoi? C'est la loi qui est comme ça. Ça veut dire, ou bien tu étudies, ou bien tu n'étudies pas. Et tu n'as plus une autre solution pour chercher le ilm. Et maintenant, les ulama, comme Cheikh Ibn Uthaymin et les autres, ils disent, tu étudies dans l'université, c'est maintenant obligatoire, c'est pas comme avant. Maintenant, tu as besoin de la shahada, tu as besoin du diplôme. Avant, on n'avait pas besoin de diplôme. Maintenant, avec le diplôme, ça t'ouvre beaucoup de portes. Tu peux être docteur, tu peux être à l'université pour faire des cours aux gens, leur apprendre l'islam, etc. Tu n'as pas de diplôme. On te dit, toi, qui es-tu? On ne te connaît pas. Donc, Bikhtisar. Puis le cheikh des Toulabain s'arrête, pas d'étudier en même temps, ils ne sont pas à l'université. Non, Toulabain, il y a ceux qui sont à la maison, il y a ceux qui sont à la mosquée. On peut demander le ilm sans être à l'université. On peut être à la mosquée, on peut demander le ilm et être un savant. Mais je voulais dire que quand on a le diplôme, c'est mieux en ce sens que ça t'ouvre les portes. Et tu es connu, les gens, ils ont confiance en toi, c'est tout. Mais maintenant, comme je t'ai dit, de toute façon, chauffe, c'est un conseil, éloigne-toi d'eux. C'est un petit difficile pour que tu les fasses venir dans les rangs des salafs. Là, je ne le fais pas de n'importe qui un salafi. Et ensuite, j'ai peur que petit à petit, insan, ils deviennent comme eux. Tfadal, akhi Abbas, tfadal. Ibn Abdullah, smahli, qfist alik, l'inni a'atit l'illadina lam yataklamu. Abbas, le haït, c'est la femme qui a commencé à avoir les règles. Ça veut dire, si tu comprends, elle balira, c'est celle qui a commencé à avoir les règles. Ça veut dire, elle a 12 ans ou 13 ans ou 14 ans. Ça ne veut pas dire la femme qui, le moment où elle passe, elle a les règles. Ça ne veut pas dire cela. Car on ne peut pas savoir si elle a ou elle n'a pas, on ne va pas. Les règles, tu n'as pas, c'est seulement une femme qui a, yani, qui a un certain âge, voilà, commencé à avoir des règles. Ça veut dire que ce n'est pas une petite fille. Voilà. Ibn Abdullah, tafaddal. أخي ابن عبد الله تفضل جاتون تا كيستيون Ibn Abdullah a dit salam alaykum salam hotla. Peut-on arrêter ou au milieu bébé est en danger? Un bébé est en danger. Ensuite, à côté de nous, et le prendre sur nous pendant la salat, même s'il est dans une autre pièce. Aussi, je voulais savoir s'il est interdit de faire salat avec les manches de camis repliées. Sachant que je ne le fais pas, que pour salat, je les lève tout le temps. Non, dans le clavier. En ce qui concerne, on suspend la salat à cause d'un bébé en danger, bien sûr, on doit la suspendre. On doit la suspendre. Maintenant, s'il est à côté de nous, c'est pas la peine de suspendre. On le prend. C'est tout, hein, on le prend. D'où il est, on le met par exemple sur notre cou, hein, on le met sur notre cou, un pied vers sur l'épaule droite, un pied sur l'épaule gauche, ou bien on le met sur notre dos par exemple. Mais s'il est dans une autre pièce et tu sais qu'il est en danger, danger de mort, tu dois sortir de la salat. Ensuite tu reviens et tu commences la salat de nouveau, sauf s'il est dans une pièce, par exemple, qui est devant toi. Ça veut dire que tu ne vas pas quitter la Qibla. Ou bien à gauche ou bien à droite. Ça veut dire que tu ne vas pas donner le dos à la Qibla. Si tu vas marcher seulement à gauche, ou tu vas marcher seulement à droite, ou tu vas marcher comme ça tout droit, ou tu vas marcher marche arrière, sans donner le dos à la Qibla, tu peux aller comme ça et prendre le bébé là où il est, etc. Tout cela est permis, Inch'Allah Ta'ala. En ce qui concerne... plier les manches du khamis, de préférence on ne les fait pas. Certains ulama ont dit c'est haram, certains ulama ont dit c'est makruh. Toi tu dis que tu ne le fais pas tout le temps, tu ne le fais pas spécialement pour la salat, mais il faut que tu prennes l'habitude que quand tu rentres dans la salat, il faut le descendre avant de rentrer, parce que tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Moi je ne parle pas de celui qui a un demi-manche, je parle de celui qui plie les manches. Celui-là, avant de rentrer dans la salat, il doit se souvenir et déplier les manches pour rentrer dans la salat, Inch'Allah Ta'ala. Cher Astafa. En principe, quelqu'un qui parle bien, en principe, le Coran, en principe, il l'apprend, il profite de l'apprendre. Bon, termine ta question, puisque tu n'as pas terminé. Termine ta question, Inch'Allah. Je dis ça, sachant qu'à l'époque des Salaf, j'ai lu qu'on ne laissait pas les enfants s'asseoir dans les assemblées de sciences. Tant qu'ils n'avaient pas le Coran, c'est absolument nécessaire de passer par ces livres pour la Aqida. J'ai dit que le Coran, ce n'est pas obligé de l'apprendre par cœur. Ce n'est pas obligé de l'apprendre par cœur. Il y a beaucoup de ulama qui ne connaissent pas le Coran par cœur. C'est pour ça que le Coran, de préférence, on l'apprend quand on est jeune. Quand on est jeune, de préférence, on l'apprend. Mais du moins, quand on est âgé, si on n'a pas beaucoup de temps, du moins, on lui donne beaucoup de temps pour le lire. Pour le lire et d'apprendre des versets, par exemple, qui ont rapport avec l'ahkam. Ayat l'ahkam. Ayat l'ahkam. Mais on ne peut pas rester seulement comme ça avec le Coran et délaisser les kutub ta'ala aqida, etc. Sinon, on ne peut pas être talib ilm. Comment peut-on être talib ilm si on reste seulement avec le Coran? C'est pour ça que je dis de préférence on l'apprend jeune, ensuite on se les talib ilm. Donc celui qui peut bien sûr jouer entre les deux, entre le Coran et les autres livres, et celui qui ne peut pas, il laisse au moins un temps pour lire le Coran et pour apprendre les versets qui ont rapport avec l'ahkam, et il lit kutub ta'al aqida, etc. والله تعالى أعلم. سلفية 93 فضلوا لك. Si une femme passe devant la sutra d'une femme, une autre femme, est-ce qu'elle annule aussi sa prière? Oui, elle annule. Si elle passe, si une femme passe entre la sutra et une femme, entre la sutra et la femme elle-même qui est en train de faire la prière, elle annule. Car le hadith, quand il parlait des choses qui annulent, il a cité entre autres la femme. Ça veut dire la femme annule à quiconque elle passe devant lui, entre lui et sa sutra. Que ce soit qu'elle passe entre une femme et sa sutra, ou entre un homme et sa sutra, elle lui annule sa salat. Wallahu ta'ala alam. Abu Hind, toi tu n'as pas encore parlé, ta fadl Abu Hind. Et si c'est un homme qui passe devant la sutra d'une femme, elle doit l'empêcher. Elle doit l'empêcher pour qu'il passe. S'il passe et elle ne l'empêche pas, elle a la moitié du ajr. S'il passe et elle ne l'empêche pas, elle a la moitié du ajr d'après hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, si elle le laisse passer. Maintenant, si elle le pousse pour ne pas laisser passer, car il y a un shaitan avec lui, si elle le pousse et lui il passe, ça elle n'a rien. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ce qu'elle pouvait. Maintenant, si elle le laisse, elle a la moitié de la salat. Tfadl Abu Hind. certain nombre, car beaucoup de femmes me disent cela. Abou Hind, j'ai pas vu ta question, où est-ce qu'elle est? Abou Hind, je ne vois pas ta question. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ou salafiya fiki barakallah. Et toi Abou Hind, je vois pas ta question. Je vois pas ta question. Dessus, attends, je vais monter un peu. Attention Abou Hind, toi seulement tu la vois. Toi tu la vois, tu crois que parce qu'elle est dans, elle est sur ton écran, tu crois qu'elle est chez nous aussi. Chez nous elle n'est pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la question d'Abou Hind? Voilà pour être sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste après Salafia 93. Moi je demande aux autres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la question d'Abou Hind? Non. Achouf, Galek, non. Il n'y a pas ta question. Chef, il n'y a pas ta question. Tu as perdu le vote. Il n'y a pas. Chef. Khair Inch'Allah, répète-la Inch'Allah par coupure. Répète-la Inch'Allah Ta'ala par coupure. شوف اخي ابو هند جزاك الله خير نعم اخي ابو هند كون شوف كون tu trouves quelqu'un de plus savant tu commences par le plus savant car les ulama ont dit d'ailleurs il y a même un hadith que yani c'est un signe de la fin du monde c'est un signe de la fin du monde yani de laisser aide aux grands et de demander aux petits si tu es dans un endroit où il y a quelqu'un de plus savant tu commences par demander aux plus savants quand tu es dans un endroit ou il n'y a que celui dont tu parles, tu demandes à celui-là, parce que mais si tu connais qu'il y a plus savant, tu dois aller vers le plus savant, même si tu dois aller dans une autre mosquée ou là une autre ville pour demander ou là, ben comme ça, c'est compliqué. Maintenant il y a le téléphone, il y a femme directement, on peut téléphoner au savant directement, non, on peut poser des questions comme ça au savant directement. Mais quand c'est difficile ou là tu trouves pas ou là, tu demandes à quelqu'un qui a moins de haine, mais c'est le seul que tu trouves dans les environs, celui-là, tu peux lui poser, inshallah ta'ala, des questions. Allahu ta'ala alam. Tafaddal Bilal, barakallahu fik. Bilal, tafaddal. La sutra de l'imam fait tel office de sutra pour tout le monde, les rangs arrière, c'est-à-dire si quelqu'un passe devant nous, on ne le bloque pas puisque l'imam a un sutra. Naam, on ne le bloque pas. Comme faisait Abdullah ibn Abbas, il passait sur son âne entre les rangs. Il passait assis sur son âne entre les rangs. Pourquoi? Parce que il est interdit de passer devant la sutra entre l'imam et sa sutra quand tu es derrière l'imam. Et si quelqu'un passe entre les rangs, ce n'est pas interdit. Tu peux le laisser passer. Tant que c'est l'imam qui a une sutra et c'est pas nous. Wallahu ta'ala alam. Dernière question, shalom sakina tfadli. Dernière question, Allah yajazik khair. Dernière question, sakina tfadli. Assalamu alaykoum, salam alaykoum. Nous est-il permis de donner une amende pour la contribution à la construction d'une mosquée tenue par exemple par les tablirs? Wallahi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je sais que les tablirs rado, je sais que si tu leur donnes, tu vas participer à ce qu'ils construisent une mosquée, pardon, pour faire répondre les bidas, pour faire répondre les innovations. En ce sens, il n'est pas permis de donner. Mais il y a une chose, c'est que nous, on ne sait pas, après, à qui va revenir la mosquée. Peut-être que la mosquée va revenir à un sunni après, on ne sait pas. C'est la mosquée d'Allah où les gens viennent faire la prière, etc. Je ne suis pas. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit. On dit non. Le ulama, on dit non. Ça veut dire que c'est non. Pourquoi? Parce que tu vas l'aider. Tu vas aider ces gens-là à ce qu'ils fassent la bid'ah. Mais si la mosquée ne leur appartient pas, si la mosquée ne leur appartient pas spécialement à eux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent répondre la sunna, etc., à ceux-là tu donnes. Mais si tu donnes spécialement à Tablir pour qu'ils fassent leur din et leur bid'a, leurs innovations, Inch'Allah ta'ala, je crois que ce n'est pas permis, ou du moins ce n'est pas recommandé. Et Inch'Allah, où tu peux donner à d'autres, Inch'Allah, où tu sais que yani, tu aides pour répondre à la sunna, etc. Aqoul Matsmaoun, il est déjà 2h30 du matin. Inch'Allah ta'ala, on va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, Yom al-Khamis ou Yom al-Jumu'ah. On va se rencontrer, Inch'Allah, jeudi soir ou bien vendredi soir. Le temps de, Inch'Allah, on va se reposer un peu. Ibn Abdullah a dit à demain, Inch'Allah. Moi, j'ai dit à jeudi, Inch'Allah, ou à vendredi. Jouer au football, ce n'est pas interdit si on cache, si on se cache. Akhi Abdallah, si on se cache jusqu'au genou, on joue seulement avec des frères, on joue pas avec de l'argent, on joue entre nous seulement, et on n'insulte pas, on dit pas des gros mots, etc. Et le jeu ne va pas nous faire passer la prière, on va pas s'oublier pour la prière, etc. Inch'Allah ta'ala, que c'est permis. Barakallahu fik akhi tamallah. Moi aussi vous allez manquer, mais j'ai un peu de chour, yani je dois faire des choses, c'est pour ça que je vais pas faire demain après-demain. Donc là je vais partir où là. Pas de chauvisme. Naam Abdallah, il c'est pas seulement la JSK. Abdallah, pas seulement la JSK. Tamallah. أحبك الذي أحببتني فيه أحبك الذي أحببتني فيه l'autre moitié de ma question, c'est quoi l'autre moitié, Abu Mourad? Écris là, Inch'Allah, le temps que je dis à Balo, tu peux poser ta dernière question, tu peux poser ta dernière question. Et toi, Abu Mourad, dis-moi quelle est l'autre moitié de ta question, Inch'Allah ta'ala. بارك الله فيك يا خير عبد الله. الله عن صفة الإرادة هي ذاتية صفة الإرادة هي ذاتية أم فعلية؟ ربي بولو صح، هذه راهي من فوق كامل صح. نعم، une fois j'ai vu أخي أبو مراد، une fois j'ai vu le livre de الثقافة هذا qui est très intéressant très intéressant en ce qui concerne الصفات. Il n'a pas noté si elle est zatia ou là elle est fialia. Tu sais que